Chers auditeurs, bienvenue à votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Madame François Marginal, je serai avec vous pour les prochaines deux heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle à Montréal et l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous voilà à l'édition du 18 avril 2011, l'avant-dernière de la saison. Donc, cette semaine, on va regarder sur le dossier du Japon. Alors, on va faire un bon compte-rendu de ce qui se passe là-bas et ce qui s'est passé les deux dernières semaines. Et ensuite, on va se pencher, en fait, au tout début de l'émission, on va faire notre tour d'horizon, comme d'habitude, avec les nouvelles de l'actualité et de l'économie. Et si nous avons le temps, nous allons parler un peu de ce qui se passe aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et puis, ça devrait faire le tour de la question pour cette semaine à l'émission. Donc, nous voilà, la table est mise. Nous voyons, nous allons maintenant nous lancer avec le dossier de l'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vous ai mis en premier titre ici un article qui parle de 25 règles de désinformation, un peu savoir comment on se sert de la désinformation et de la propagande. Et puis, c'est intéressant d'avoir en tête ces techniques qui sont utilisées bien souvent partout sur l'Internet et aussi à la télévision, dans les médias en général, sur la place publique. Donc, ça peut être un document assez utile pour peut-être porter à votre conscience ces différentes tactiques-là. Et puis, comment savoir y répondre. Alors, voilà, donc c'est quand même assez intéressant. On peut à ce moment-là repérer les tactiques de désinformation, les artistes en désinformation et ces techniques générales qu'ils ont tendance à appliquer. Puis, réellement, je trouve très pertinent l'article. Alors, voilà, donc c'est en lien. Ça va être le premier là à l'entrée du site Les Nouvelles Internationales où chaque semaine, là, je publie toutes les nouvelles dont je discute ici. Donc, voilà, première nouvelle. En fait, deuxième nouvelle, c'est les Canadiens. Apparemment que la plupart des Canadiens ne sont pas prêts, disons, à payer pour leurs nouvelles sur l'Internet. Alors, ça, c'est une étude, un sondage qui a été fait auprès d'environ 1700 Canadiens, des adultes, un peu plus tôt cette année. Et 81% de ces Canadiens ont déclaré qu'ils ne paieraient pas pour lire les nouvelles en ligne sur Internet. Et 90% ont indiqué aussi qu'ils trouveraient des alternatives gratuites si leur site de nouvelles préféré commençait à charger de l'argent pour le contenu. Donc, voilà qui est assez intéressant. Aussi, on voit aucune différence dans le sondage entre les groupes d'âge ou les groupes d'éducation, le niveau d'éducation, ou que ce soit des populations rurales ou urbaines. Donc, on voit vraiment que c'est un sentiment très répandu et partagé par l'ensemble de la population canadienne. Ça vient justement à la suite des nouvelles, comme quoi que vous allez avoir le New York Times, c'est un système payant du New York Times qui va être lancé au Canada, en fait qui a été lancé le 17 mars dernier. Et puis, le New York Times se réserve une section comme ça pour ses lecteurs de qualité, disent-ils. Et ben on a ce genre de système de paiement, alors ce mur que vous rencontrez où vous devez payer pour aller avoir accès à ces nouvelles-là défie évidemment un peu la tendance dans le marché qui fait que les gens, effectivement, pas qui fait, mais qui qui, en ce moment, là, vous avez justement un refus de ces lecteurs sur Internet de payer pour les contenus. Voilà, qui est quand même assez intéressant. Et puis, un aspect de ce sondage qui n'est pas adressé, c'est si les gens seraient prêts à payer, si les gens seraient plus prêts à payer pour du contenu sur Internet, s'ils étaient assurés que le contenu était factuel plutôt que de la propagande pour de la propagande en fait par les gouvernements ou les intérêts corporatifs, pour servir leurs propres intérêts. Parce que c'est une chose de se faire mentir gratuitement et puis de demander de l'argent pour se faire mentir, ce que la plupart des gens ne peuvent absolument pas tolérer. Alors, si on considérait qu'il y a une seule raison pour laquelle les médias alternatifs existent, c'est parce qu'il n'y a plus grand personne qui font confiance aux médias traditionnels, conventionnels. La perte de profitabilité et puis de crédibilité est liée ensemble. OK? C'est certain qu'à un moment donné, les gens se détournent des sources de mauvaise qualité pour aller en trouver des meilleures, n'est-ce pas? Alors, vous savez, la plupart des blogueurs, et puis même comme moi-même, si vous voulez, ne font ce qu'on fait évidemment pas parce qu'on veut devenir riche. En fait, on n'est pas payé du tout. Pour vous dire bien franchement, même, c'est pas pour faire pitié, je dis ça, là, ça me fait plaisir de le faire, mais en bout de ligne, ça me coûte de l'argent pour faire l'émission. C'est pas bien compliqué, là. Je veux dire, non seulement je ne gagne pas d'argent, mais ça me coûte de quoi pour pouvoir mettre cette émission en onde, pour me déplacer, pour acheter les programmes, tout faire le montage. Donc, en bout de ligne, là, évidemment, ça coûte de l'argent. Donc, c'est plus que du travail bénévole. Alors, pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce qu'on veut que la vérité prévale. On veut que la vérité survive. On veut que la vérité soit propagée autant que possible. Quand je dis la vérité, c'est la réalité telle qu'elle est, quoi. Évidemment, qu'elle est tout le temps sujette à une certaine suggestibilité, mais évidemment qu'on est capable de se rapprocher quand même des faits le plus possible. Et puis, c'est ce que les gens veulent. Et puis, les gens aussi sont engagés dans les médias alternatifs sont des gens pour qui il semble important que la plus grande marge de la société et de la population savent ce qui se passe réellement pour pouvoir prendre les meilleures décisions, n'est-ce pas? Donc, les médias qui sont basés sur le motif du profit ne peuvent pas vraiment compétitionner contre le principe qui est, je dirais, qui est engendré par le vrai journalisme, si vous voulez. Alors, ce désir de journalisme, de répandre les faits présents, les faits tels quels, est un désir qui est encore plus grand que celui de faire de l'argent. Donc, voilà. Une autre nouvelle ici, publiée dans le London Guardian, qui parle encore de ces tactiques policières. Alors, vous avez la police métropolitaine qui est allée trop loin lors des protestations du G20 en 2009. Et puis, vous avez la haute cour qui a rendu un jugement comme quoi que la police métropolitaine a brisé, a enfreint la loi, alors qu'ils avaient utilisé des techniques pour arrêter les gens qui manifestaient, faire des arrestations de masse. Vous avez eu des détentions de masse qui ont été faites, et puis vous avez eu toutes sortes de techniques qui ont été utilisées, là, vraiment quasiment des techniques de guerre contre la population qui manifestait de façon pacifique et qui était en plein droit de le faire. Et vous avez la haute cour qui a entendu des officiers. Avec des officiers avaient utilisé des coups de poing à la figure, des gifles, et puis utilisé aussi les boucliers qu'ils ont contre les manifestants, et que les chefs de police ont accepté de ne absolument rien faire avec cette violence, donc de ne rien faire à ce propos-là. Alors, c'est un autre jugement qui vient démontrer encore que des techniques et des tactiques et des agissements intolérables ont été utilisés par les forces de l'ordre contre la population. Cette force de l'ordre qui normalement devrait être normalement est payée pour protéger la population contre les criminels donc qui se rencontraient au sommet du G20. Alors la police s'est trompée de personne, hein, s'est trompée de camp Et puis, il serait temps que la police, en tout cas, les bons éléments qui sont dans la police, commencent à faire pencher la balance de l'autre côté, parce que le rôle de la police, c'est évidemment de protéger la population et non pas de protéger les intérêts privés des grandes corporations, des grands banquiers, et puis de ces gens corrompus, de ces menteurs professionnels qu'on appelle les politiciens, qui ne nous représentent plus du tout, disons-le, tout en passant. Donc, voilà. Ensuite, une autre nouvelle ici qui nous parle d'une bactérie maintenant qui résiste aux médicaments, aux antibiotiques, qui est trouvée dans plus de 25% de la viande et puis en fait de la volaille aux États-Unis. Alors ça, c'est des échantillons qui ont été faits dans plusieurs magasins, dans plusieurs épiceries qui vendent de la viande dans 5 villes américaines qui ont montré que cette bactérie c'était soit la Staphylococcus aureus, alors une bactérie qui peut causer des infections de la peau, pneumonie, puis d'autres problèmes chez les personnes qui la contractent. Et puis, ça a été trouvé dans 47% des échantillons qui ont été prélevés. Et puis, ça a été publié dans le journal qui s'appelle Clinical Infectious Diseases. Alors, c'est une nouvelle assez alarmante. On se demande si la FDA, qui est la Food and Drug Administration aux États-Unis, ne pourrait pas faire mieux que ça. À un moment donné, on se demande même si cette agence de la protection de la santé publique vraiment même sa raison d'être pour voir de si pauvres résultats pour protéger la population. Alors, probablement qu'il faudrait tout simplement renvoyer les personnes qui travaillent pour la FDA puis recommencer à nouveau. C'est une situation qui, quand on parle de plus de 25 à 50 % de toute la viande, des échantillons qui contenaient des variétés de ce S. aureus, des variétés assez fortes, assez résistantes à trois types d'antibiotiques, au moins à trois types d'antibiotiques, c'est qu'à un moment donné, la situation elle commence à être un peu hors de contrôle, n'est-ce pas? Alors, quand même. Alors, allez voir ça. Ensuite, ici, un autre article qui parle des liens qui a été établi dans plus de 19 études entre les organismes génétiquement modifiés et puis des problèmes dans les organes internes du corps. Alors, ça aussi, c'est assez significatif, bien que ça a été mesuré chez les rats et puis les souris de laboratoire. Par contre, on sait qu'elles ont plusieurs similarités avec l'ADN humain. Donc, particulièrement, on a des dégâts qui ont été faits, par exemple, dans les organes tels que les reins et puis le foie. Alors, on a 19 études comme ça qui ont été revues et qui montrent des études justement sur des animaux et qui ont révélé que, écoutez, vous avez plusieurs problèmes qui sont créés à cause des OGM. On parle même des problèmes de sang, la biochimie de l'urine, le poids des organes. Ensuite, toutes sortes de trucs comme ça qui, en fait, montrent qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se poser des questions sur les OGM au lieu de continuer à les retrouver un peu partout dans la chaîne alimentaire. Hein. Donc, on a déjà assez de problèmes avec le golfe du Mexique, puis maintenant, les produits de mer de l'océan Pacifique à cause de Fukushima. Il faudrait peut-être à un moment donné arrêter de polluer volontairement en plus notre chaîne alimentaire. Donc, voilà pour ça. Au niveau de BP, tant qu'on parle ici du golfe du Mexique, on a des courriels qui ont été rendus publics, qui exposent des tentatives de BP de contrôler les recherches qui étaient dirigées vers comprendre les impacts de ce déversement, de ce volcan de pétrole qui s'est répandu dans le golfe du Mexique. Ça a été publié par le Guardian en Angleterre. Alors ici, on a des nouvelles qui montrent que des officiels de BP ont essayé de prendre contrôle d'un fonds, d'une genre de fondation, des fonds en fait en argent, là, d'une valeur de plus de 500 millions de dollars par la compagnie de pétrole qui contrôlait, en fait c'est un fonds là, qui était censé être alloué à des recherches indépendantes par rapport aux conséquences de ce désastre pétrolier du Golfe du Mexique. Donc, ça a été obtenu en vertu de la Freedom of Information Act, l'accès libre à l'information. Et puis, évidemment, qu'on montre qu'il y a de fortes influences pour essayer justement d'influencer le travail des scientifiques par cette compagnie qui s'appelle BP. Alors, n'est-ce pas assez incroyable de voir ça? Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, c'est assez évident que BP a beaucoup trop d'influence sur les études qui sont faites par rapport à l'impact de ce désastre de pétrolier qu'il y a eu l'année passée. Alors, C'est plus que de l'influence, chers amis. On se rend compte que carrément le gouvernement et PP ont rendu impossible n'importe quelle recherche scientifique indépendante dans ce domaine-là. Les scientifiques ont été ordonnés de se fermer la gueule. On les a bâillonnés même légalement. On les a menacés d'arrestation. On a confisqué des échantillons qui étaient destinés à être étudiés en laboratoire. On a utilisé même la garde côtière pour empêcher l'accès aux plages, aux scientifiques et aux journalistes. Donc, réellement, là, c'est plus qu'une influence énorme. Je veux dire, le gouvernement et BP ont tout simplement géré la situation et pour se protéger le gouvernement et BP. Donc, le peuple, lui, là-dedans, et puis le golfe du Mexique, ben, ils ont pris la fenêtre, pour dire le moins. Donc, parlant de conflits d'intérêts incroyables, on a une note ici, ça a été publié par le Center of 9-11 Justice. On apprend un conflit d'intérêts extraordinaire. C'est incroyable. Vous avez le cousin de George Bush qui est le juge dans un cas judiciaire explosif concernant le 911 contre des officiels de l'administration Bush. Alors ça, c'est assez surprenant aussi de voir ça, à quel point que les gens sont rendus arrogants. L'élite est rendue tellement arrogante, elle vous met les choses directement dans le visage et puis tout simplement vous demandant qu'est-ce que vous allez faire à propos de ça. Alors, écoutez, là, vous avez le juge John Walker, qui est le premier cousin de l'ancien président George Walker Bush, qui est un des trois juges du deuxième circuit d'appel. Qui va entendre en fait une cause de galop contre Cheney, Rumsfeld et Myers. Alors, c'est une poursuite qui a été amenée par un soldat qui a été blessé dans les attaques au Pentagone et puis qui accuse l'ancien vice-président Dick Cheney, l'ancien secrétaire à la défense d'Honor Rumsfeld et puis l'ancien chairman du Joint of Chiefs of Staff, Richard Myers, d'avoir conspiré pour faciliter les attaques terroristes du 9-1 qui ont tué 3 000 Américains et qui ont résulté en la mort de plusieurs autres personnes causées par la toxicité et puis les conditions de nettoyage qu'il y avait à Ground Zero. Comme j'en ai parlé la semaine passée, on a atteint le millième décès des suites de la respiration de cet air toxique qui avait alors été certifiée comme étant correcte et sans problème, alors qu'elle était hautement toxique et vous avez encore des personnes qui en meurent à ce jour. Donc là, on a un cas en cours qui a été porté, puis là, vous avez le cousin de Bush qui est un des trois juges qui siège sur cette poursuite judiciaire. Alors vraiment, le conflit d'intérêts incroyable. Ensuite, on a ici l'histoire du dossier de la TSA qui se poursuit, la sécurité dans les aéroports aux États-Unis. Alors, vous savez, maintenant, si vous ne faites même que vous plaindre, mettons que vous êtes à l'aéroport aux États-Unis, puis là, ça prend 3 heures avant de passer les douanes, et puis qu'on vous pousse, on vous oblige à passer au travers des scanners corporels ou à la fouille totale de votre corps, de vos enfants, puis de celle de votre femme, et on vous pogne le paquet et puis tout le kit, là, réellement, là, c'est vraiment incroyable. Puis là, si vous maugréez contre ça, si vous vous plaignez, ben là, on a ici deux articles là, qui sont sortis cette semaine. Un, c'est une vidéo, l'autre, c'est un article. Et on parle de ficher les gens. En fait, c'est un des signes que la TSC peut utilisé pour possiblement identifier une menace terroriste. Alors, si en plus de vous faire brimer vos droits et libertés, vos droits à la personne, si vous utilisez votre droit à la libre expression pour vous plaindre contre ces tactiques complètement tyranniques dans les aéroports américains, eh bien, vous pouvez potentiellement être identifié comme étant une menace terroriste et puis en subir les conséquences, hein? Donc, vous voyez que là, la situation ne continue que s'empirer. Vous avez des nouveaux réseaux de télévision, des réseaux de nouvelles qui ont discuté de ça aux États-Unis cette dernière semaine, que se plaindre de ces mesures de sécurité dans les aéroports, se plaindre de ça, font partie d'une liste de 70 indicateurs de comportement qui permettent aux officiers de la TSA d'identifier des passagers à haut risque. Alors, n'est-ce pas assez incroyable? Alors voilà, et puis ben, ça continue la tyrannie aux États-Unis. Là, ici, dans une autre nouvelle, on apprend que des caméras thermiques vont être utilisées pour voir à l'intérieur des maisons et calculer l'efficacité énergétique de ces maisons-là. Alors ça, c'est un nouveau programme pilote qui est mis en place à Boston et qui, s'il fonctionne bien, devrait être étendu à d'autres villes américaines et pourquoi pas ailleurs aussi dans d'autres pays. Alors, de plus en plus, on envahit votre maison, que vous le vouliez ou non, et on sonde toutes sortes d'affaires dans votre maison, et puis tout simplement, là, hein, on considère que votre maison leur appartient, et puis vous n'avez pas le droit à une vie privée, quel que soit le niveau, quelles que soient les raisons. Donc, ça aussi, c'est une autre nouvelle à aller voir. Ici, dans les autres nouvelles, on apprend par la BBC que les États-Unis ont utilisé une nouvelle arme pour la première fois. Alors, c'est un fusil au laser. Alors, c'est la US Navy qui utilisait ça. On l'utilisait sur un bateau qui était pour être accosté. Et puis, on a tiré de ce fusil au laser, de ce rayon. Et puis, on a fait exploser les réserves de pétrole du vaisseau. Et puis, a pris en feu. Ça a explosé, puis ça a pris en feu. Alors, ça a été rapporté dans la nouvelle. Alors, voilà, on est rendu maintenant dans l'ère moderne. On utilise des caméras à rayons rouges pour scanner votre maison. On utilise des scanners corporels qui vous blastent de micro-ondes qui passent à travers votre corps et puis qui brûlent aussi la surface de votre peau. Hein, en fait, brûle. C'est pas une vraie brûlure, là, chers auditeurs, mais c'est une irradiation tout simplement de votre peau, alors qui endommage votre ADN. Et puis là, on utilise maintenant des fusils au laser. Alors voilà, donc c'est quand même assez particulier. Donc on continue. Ici, une autre nouvelle qui a fait surface. C'est une vidéo qui a fait surface. Ça vient de l'Irak. Et puis c'est une vidéo qui a été filmée en 2005, où on voit des troupes américaines tirer sur des détenus irakiens qu'on avait provoqués en brûlant le Coran. Et puis, évidemment, que ça fait réagir les gens qui sont là-bas. Et puis, un coup qu'on commençait à voir une certaine révolte à l'intérieur des quartiers de prison où ces gens étaient détenus, eh bien, les soldats américains se sont mis à tirer à travers la clôture avec des balles, des vraies balles, sur ces prisonniers. Donc, ça a été rapporté par différents médias, dont Press TV. Vous avez une vidéo d'ailleurs. Donc, voilà comment on traite les détenus. Donc, on envahit ces pays-là. On met ces gens-là en prison. La plupart des gens, là, ça a été révélé par plusieurs médias. 95% des gens qui sont enfermés là sont complètement innocents, n'ont absolument rien fait. Des fois, on a même carrément des femmes et des adolescents. Et ils sont traités d'une façon absolument horrible. Alors, imaginez. Ensuite, une autre nouvelle ici qui nous vient de cette fois-là de Gordon Duff, qui est un ancien vétéran en fait, un vétéran de la guerre du Vietnam, un Marine, qui est maintenant un éditeur senior à un journal sur Internet qui s'appelle Veterans Today. Et bon, ça fait longtemps qu'il écrit, il est quand même bien connu, le gars. Et puis là, il écrit un article sur le fait que, écoutez, ça fait longtemps qu'ici on en parle sur l'émission là, mais de plus en plus, il devient accepté ouvertement aux États-Unis que Bin Laden est mort depuis longtemps. Et lui, dans son article, ben, il montre justement que ça vient de plusieurs sources comme ça, de haut niveau. Vous avez des commentateurs conservateurs comme des anciens Marines, anciens colonels de la Marine, Bob Pappas. Qui lui a dit depuis des années que Bin Laden est mort à Tora Bora. C'est le sénateur Kerry qui lui aussi a fait allusion que Bin Laden se serait échappé alors que Bush essayait de l'attraper, mais ça, c'est un mensonge. Et puis maintenant, on apprend que M. Pappas, le colonel, était dans le droit chemin avec ce qu'il déclarait. Et puis, ben là, vous avez de plus en plus de personnes comme ça qui admettent ou qui laissent paraître qu'effectivement Bin Laden est mort. Dans son papier, M. Gordon Duff, lui, écrit qu'il est mort le 13 décembre 2001 et que même ça avait été publié dans les journaux au Pakistan 2 jours plus tard. Et puis, vous aviez d'ailleurs un article qui avait été publié par rapport à ça. Donc, voilà pour l'actualité en général. Ensuite, rapidement dans l'économie, vous avez quelques trucs à garder à l'œil. En ce moment, au Canada, vous savez, le gouvernement est tombé, puis là, on est en période électorale complètement inutile. On a absolument, mais absolument aucun candidat qui est là, qui vraiment représente le peuple, représente les intérêts du peuple. C'est tous des gens qui sont vendus au pouvoir, vendus aux corporations, vendus aux grands lobbies, autant les lobbies bancaires, lobbies sionistes, israéliens, les lobbies des multinationales, lobbies pétroliers, donc nommez-les, les lobbies des grandes minières, hein, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus grand monde qui nous représente. En fait, il n'y a pas grand personne. De toute façon, si vous représentez le peuple et vous en allez en politique, vous n'allez pas réussir à monter, ça c'est certain, vous allez être bloqué. Donc, ce n'est pas une question de théorie de la conspiration, là, c'est la situation telle quelle. Vous avez un écœurement général à la grandeur du Canada. Les Canadiens, autant francophones qu'anglophones, n'en ont rien à cirer de ces élections-là. C'est bidon, fausse démocratie. Total, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la démocratie, pensant qu'on a un pouvoir d'élire celui qu'on veut en mettant un petit bout de papier dans une boîte aux 4 ans. Après ça, vous avez 4 ans qui se déroulent sans que le gouvernement ne consulte le peuple, sans qu'aucune de nos griefs soit respectée, consultée, écoutée, je veux dire, qu'on nous respecte, qu'on écoute de ce qu'on veut, ce que le peuple canadien, je veux dire, veut s'en aller de la guerre en Afghanistan. Vous allez dire, là, vous avez le gouvernement qui savait de bord, qui ne nous écoute pas. C'est la même affaire, je veux dire, pour tous les sujets. C'est ridicule de voir comment que on paye des impôts, on paye des taxes, puis on n'a aucune représentation, mais aucune représentation. On se fout du peuple ben raide. Et pendant ce temps-là, pendant que le gouvernement est tombé, puis que là, c'est le brouhaha à propos de toutes sortes d'affaires, bien, vous avez un traité de libre-échange Canada-Europe qui est en train d'être discuté en ce moment, qui est en train d'être passé en catimini, en silence, sans encore là consulter la population, à savoir qu'est-ce qu'on en veut. Et alors que ça nous concerne directement, puis ça va concerner aussi notre futur, celle des générations à venir. Vous avez des négociations qui sont sans débat, qui est un outrage non seulement à la population, mais aussi au Parlement canadien. Vous avez cette reprise en douce des négociations sur un traité de libre-échange Canada-Europe. J'en ai parlé quand même ici dans le passé sur l'émission. Et sans que cet enjeu ait été tranché à l'issue d'un véritable débat électoral. Et puis, ça constitue évidemment un nouvel outrage au Parlement, selon le Conseil des Canadiens, une allusion aux accrocs commis par les conservateurs envers les règles parlementaires qui leur ont valu d'être défaits au Parlement. Le premier ministre Harper doit expliquer aux Canadiens pendant cette élection comment il justifie cette négociation qui pourrait amputer les pouvoirs des parlements fédéraux et provinciaux et des municipalités en ce qui a trait à la gestion de l'eau potable, des usines d'épuration, de la production, de la distribution d'énergie et de nombreux autres services publics, a expliqué le porte-parole du Conseil canadien, Maud Barlow. Les négociateurs européens vont passer la semaine à Ottawa, alors qu'en principe, les négociations sur la privatisation des services publics et les politiques d'investissement devraient être placées au point mort dans l'attente d'un nouveau Parlement. Pour le Conseil des Canadiens, le Réseau québécois sur l'intégration continentale et le Conseil central de Montréal, c'est la souveraineté politique, économique, énergétique, alimentaire, environnementale et même culturelle qui est en jeu, selon Pierre-Yves Sérinet, coordinateur du RQIC. Et puis, comme avec l'ALENA, cet accord pourrait permettre à des multinationales de poursuivre des gouvernements dont les politiques publiques contrecarrent leurs intérêts. Et puis ça a été la raison pour laquelle on avait défait l'AMI ici il y a quelques années. Puis là, ils nous reviennent avec d'autres formats de ça et avec d'autres ententes économiques, cette fois-ci avec l'Europe. Et tout simplement, ce que ça donne un pouvoir absolu aux multinationales. La multinationale devient plus puissante que notre propre gouvernement. Si on veut interdire une compagnie de venir creuser un gros trou dans notre cour et puis exploiter du pétrole puis tout polluer les alentours, eh bien là, la compagnie pourrait venir poursuivre le gouvernement puis le peuple et puis se faire rembourser en dommages et intérêts pour des profits qu'elle ne pourrait pas engranger à cause de ça. Écoutez, à un moment donné, là, ça a des maudites limites, là. Et puis là, on est en train de nous passer un autre accord comme ça, très, très puissant, et sans nous consulter, sans consulter quoi que ce soit, même en enfreignant des lois canadiennes. Donc, c'est complètement débile. Et puis, écoutez, si nos soupçons se confirment, l'accord économique et commercial global restreindra notre capacité à prendre des mesures qui protègent l'environnement, à mettre en œuvre des politiques publiques qui favorisent l'emploi et le développement local, et il effritera nos politiques publiques en matière d'équité et de répartition de la richesse. Ça a été d'ailleurs partagé par Claude Vaillancourt, qui est co-président d'Attaque Québec. Donc, on exige du premier ministre Jean Charest qu'il divulgue les propositions qu'il entend soumettre aux négociateurs européens dans le cadre de ce nouveau round de pourparlers lancé par le gouvernement Harper. Donc, vous avez différents articles à aller lire que je vous mette en lien aussi avec les nouvelles de cette semaine. Allez voir ça. Les négociations de l'accord Canada-Union européenne. La société civile québécoise dénonce le déficit démocratique et s'inquiète de la portée de l'accord. Alors, vous avez différentes nouvelles comme ça qui viennent justement parler de cette contestation. question-là. Alors, il y a des personnes qui ont les yeux bien ouverts et puis qui voient ce qui se passe et qui sonnent l'alarme. Et puis, il y a de quoi de sonner l'alarme. Et puis, prenez note de ce qui se passe parce que là, on est en train de nous en passer un autre en douce, là, hein? On est en train de nous passer un beau sapin. Donc, allez voir ça. Ça aussi, c'est un dossier très chaud, le traité de libre-échange Canada-Europe. Vous avez différentes nouvelles à ce propos-là. Une autre grosse nouvelle de taille dans le nouvel économique qui concerne la BRIC, maintenant qui s'appelle la BRICS, la BRICS. Alors, c'est un acronyme anglais qui désigne le groupe de pays formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et l'Afrique du Sud. Très peu utilisé l'équivalent français de l'acronyme anglais et de l'ABRIC. Alors, l'Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde et Chine, ou ben non, la BRICA. Donc, les cinq pays constituant les BRIC sont pour la plupart considérés comme des grandes puissances émergentes. Ils représentent 40% de la population mondiale et en 2015, ils devraient assurer 61% de la croissance mondiale selon le FMI. C'est-à-dire si ces pays sont actuellement économiques et attractifs et si l'entrée au club intéresse de nombreux pays, dont notamment le Mexique, la Corée du Sud et même la Turquie. Donc, je vous donne ces nouvelles et ces précisions sur la BRIC. Pourquoi? Pour vous faire comprendre l'ampleur de c'est quoi la BRIC. Parce que là, il se passe des affaires au niveau mondial et puis ça a des implications très, très importantes. Le 14 avril dernier, donc la semaine qui vient de passer, 2011, le troisième sommet du BRIC a eu lieu au Hanan, en Chine. Et puis, ça a été aussi le premier sommet du BRICS avec le S, parce que là, vous avez en effet le BRICS qui a modifié son format de type G4 à G5 avec l'adhésion officielle de l'Afrique du Sud. Ainsi, cette adhésion donne non seulement naissance au BRICS, mais fait également disparaître le triangle Brésil-Inde-Afrique du Sud qui fusionne alors au sein du présent BRICS. Alors, voyez un peu l'alliance importante. Okay, quand vous avez l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine qui sont ensemble dans une alliance économique, vous pouvez commencer à penser d'une influence assez importante au niveau mondial. Et alors qu'ils se sont rencontrés en Chine, le BRICS a demandé des changements importants au niveau monétaire, le changement au niveau du système monétaire global, mondial. Et ont demandé pour une plus grande influence aussi. Et évidemment qu'ils vont l'avoir, ça c'est assez important là, à comprendre cette nouvelle-là, parce que justement, ça va beaucoup influencer, soulever de la balance du pouvoir économique au niveau du monde. Alors, vous avez le BRICS ici qui se positionne et demande une refonte du système monétaire mondial qui dépend moins du dollar américain et aussi avoir une voix plus importante aussi au niveau des institutions financières internationales. Vous avez les leaders du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud qui ont aussi demandé pour des règlements, une réglementation plus forte et aussi de quoi des marchés des marchés des produits dérivés, donc les hedge funds qui évidemment sont responsables de ce grand casino mondial qui est en train de chuter au niveau mondial depuis 2008, qui est responsable aussi de cette crise financière qu'on vit depuis tout ce temps-là. Donc, des nouvelles très, très importantes ici à les consulter. Ensuite, on a, ben écoutez, je sais pas, vous avez le prix de l'or, le prix de l'argent, des métaux précieux qui augmentent en flèche. Et vous avez un article ici de Mike Maloney qui parle justement des banques centrales qui se sont mises à acheter, qui sont devenues des acheteurs nets ces dernières années, en fait, ces 2 dernières années, particulièrement l'année passée en tout cas, et qui ont acheté des quantités significatives de métaux précieux. Alors, ce n'est plus qu'une vague de gens qui paniquent un peu puis qui commencent à acheter de l'or. Ce n'est pas une bulle en ce moment. C'est vraiment un mouvement, une tendance très lourde. Et pour faire un portrait très rapide, là, je veux dire, sans vous donner toutes les sources, là, vous pouvez les trouver largement sur Internet. Et puis, vous avez plusieurs analystes, vous avez plusieurs économistes, vous avez plusieurs experts. Écoutez, on rit souvent des experts, là, puis des économistes, tout ça, parce qu'ils se trompent, là. Mais il faut savoir départager, hein, je veux dire, les totons, les sans-dessins de ceux qui vous disent les bonnes informations depuis des années. Et puis, on reconnaît les vrais des faux par rapport à ceux qui vous donnaient les bonnes informations qui se sont avérées aussi avec le fil du temps. Donc, vous avez des personnes que je suis qui racontent systématiquement les vraies choses, quoi, qui vous racontent la réalité telle qu'elle est, et puis basé sur tous ces signaux-là, sont capables de vous donner les tendances lourdes et puis qui se vérifient, puis qui arrivent effectivement année après année. Alors, on écoute ces gens-là, on n'écoute pas évidemment les caves, les imbéciles qui vous disent de ne pas vendre vos actions la journée d'avant que Burns & Stearns s'écroule. Alors, vous aviez des maisons financières comme ça aux États-Unis qui étaient pour s'écrouler, je pense que c'était comment ça s'appelait? La Bear & Stearns, je me rappelle bien en tout cas. Merrill Lynch, l'autre affaire, même affaire. Écoutez, vous aviez des gens comme Cramer sur des réseaux télévisés très importants aux États-Unis qui, la journée d'avant, disaient « Ne vendez pas, voyons donc, ça ne va pas tomber, tout va bien. » Claire, la journée d'après, les maisons importantes de finances se sont écroulées aux États-Unis. Donc, c'est pas ces sans dessins-là qu'on écoute, évidemment. Okay? Donc, moi, les vrais professionnels, ceux qui vous disent les choses telles qu'elles sont, que je suis depuis des années et des années, eh bien, ces gens-là vous disent que le prix de l'or et de l'argent n'a pas continué, c'est-à-dire n'est pas prêt de s'arrêter, de continuer à augmenter de façon fulgurante. Alors, vous avez l'argent qui a atteint 43 $ l'once, et puis vous avez l'or qui est à quoi? 1400, au-dessus de 80, 80 quelques. Eh bien, certaines personnes disent « Ah, ça va retomber, ça va crasher. » Non, non, non, non, non. Croyez-moi, c'est loin de retomber. Ça va continuer à augmenter. Vous avez le prix de l'argent qui va sûrement facilement atteindre la barre des 50 $ et même plus, pour atteindre la barre des 100 $ et puis même plus que ça. Et l'or qui est en chemin vers la barre des 1700, 1800 d'ici la fin de l'année, facilement, et possiblement à court terme, les moyens termes, au-dessus de 2000, 3000 $ l'once. Vous devez comprendre que ça c'est dû en grande partie à la chute du dollar américain. Le dollar américain qui est en chute libre, on imprime du dollar américain comme de l'eau. OK? Alors, évidemment que là, vous avez plusieurs pays qui sont pas mal tannés d'acheter de la dette américaine parce que cet argent-là ne vaut absolument rien. J'ai nommé le Japon, la Chine, Taïwan, l'Inde, plusieurs pays comme ça. Et puis, vous avez des grandes banques centrales comme celle de la Chine, du Japon, qui commencent à changer leur investissement, leur portefeuille, et s'éloignent du dollar américain, revendent du dollar américain, des bons du trésor, revendent la dette américaine pour acheter des métaux précieux. Donc là, c'est plus des petits joueurs qui achètent des métaux précieux, c'est des banques centrales qui achètent des tonnes d'or, OK? Donc, regardez ça. Pendant ce temps-là, vous avez un autre article ici qui a été publié par Reuters, où on apprend que les banques, à l'échelle de la planète, font face à un mur de dette qui arrive à maturité de l'ordre de 3,6 trillions de dollars. Alors, 3 600 milliards de dollars, chiffre rapporté par le FMI. D'ici les deux prochaines années, vous allez avoir des gouvernements qui sont complètement empêtrés dans la dette, qui vont devoir sécuriser une nouvelle source de financement, alors que vous avez des banques qui sont déjà endettées et qui ne sont pas capables de rembourser ces dettes-là, des gouvernements aussi. Donc, écoutez, le 3,6 trillions de dollars qui va arriver à maturité ces deux prochaines années, la pyramide de Ponzi est en train de s'écrouler. La Banque mondiale aussi qui rapporte cette semaine que les prix de la nourriture viennent d'entrer une zone de danger. On vient d'entrer la danger zone. Alors, pourquoi? Ben parce que, écoutez, vous avez depuis l'été de quoi? Attendez un peu, là. Depuis juin dernier, vous avez le prix de la nourriture qui est à la hausse, qui a poussé 44 millions de personnes de plus dans la pauvreté. Donc, on est en train d'atteindre des sommets au niveau des prix de la nourriture et qui est en train de générer la pauvreté extrême et en fait, des problèmes de malnutrition dans le monde. Okay? Donc, voilà. Et puis, une autre nouvelle ici qui parle de 25, qu'on a une crise de la nourriture globale horrifique qui s'en vient. Alors, désolé pour le mot horrifique, c'est pas pour faire de l'alarmisme ou du sensationnalisme. Mon Dieu, j'ai de la misère avec mes mots. C'est le titre de l'article. Et puis, écoutez, vous allez voir les 20 signes là, dans l'article qui sont quand même, oui, assez inquiétants, disons-le. Je veux dire, vous avez plusieurs signes qui sont assez importants, des tendances importantes qui pourraient pointer vers un problème au niveau de la chaîne alimentaire là, d'ici la fin de l'année. Alors, allez voir ça aussi. Vous avez le pétrole, lui, qui atteint des sommets, en fait, un sommet de 32 mois. Et puis, ça aussi, c'est pas des bonnes nouvelles. J'entendais qu'au Canada, on paie le prix du litre à quoi, 1,40 $. Alors, imaginez le prix aux États-Unis, en Europe. Alors, ça augmente de façon catastrophique. Le prix du brut a passé le cap des 123 $ US le baril. Donc, on se rapproche dangereusement du 147, le sommet qu'on avait atteint au mois d'août 2008. Donc, ça aussi, ça ne va pas aider, puis ça va contribuer à pousser à la hausse le prix de la nourriture. Le prix du maïs, lui aussi, a augmenté de plus de 74 % en une année, des chiffres de la Banque mondiale. On parle aussi de risque de pauvreté qui ça pourrait s'en venir. Alors, eux autres, la Banque mondiale, on parle d'une augmentation des prix de nourriture de 36 % comparé à il y a un an. Alors, ça, on dit que c'est causé principalement dû aux problèmes au Moyen-Orient puis l'Afrique du Nord. Alors, ça aussi, c'est de la grosse bullshit. Hein? Donc, vous avez le dollar américain qui chute, et puis vous avez des problèmes avec les cultures, vous avez des problèmes de sécheresse, vous avez le golfe du Mexique maintenant qui est pollué, les fruits de mer, bye-bye, les fruits de mer aussi de l'océan du Pacifique. Alors, vous voyez toutes sortes de raisons comme ça qui s'accumulent et qui font en sorte que on a des prix de nourriture qui augmentent et puis aussi une capacité de production qui diminue. Donc, voilà, il y a US Today ici qui publie un article sur les chiffres du chômage aux États-Unis. Et on révèle ici que moins que la moitié des Américains ont du travail. Alors, ça aussi, c'est des chiffres assez alarmants. On a un pourcentage d'Américains qui ont du travail, qui ont baissé et ont atteint les points les plus bas depuis 3 décennies. Alors, vous avez à peu près là, juste un petit peu en bas de 50 % de la population totale qui possède un travail, selon des analyses qui ont été publiées par le USA Today et qui vient du Bureau du travail aux États-Unis. Donc, l'article est disponible. Allez voir ça aussi. Ensuite, il y a Détroit qui a envoyé des notes de résiliation de travail. Alors, on renvoie des professeurs du secteur public. Alors, ici, on a un gros problème à Détroit. Alors, on va renvoyer ces employés qui sont protégés par des syndicats. Alors, vous avez plus de 5 466 employés qui ont reçu leur avis de renvoi. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. On renvoie des professeurs du secteur public dans le réseau des écoles publiques de Détroit. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va s'occuper de l'éducation aux États-Unis. Donc, c'est plus important de dépenser des millions de dollars pour lancer des bombes à uranium appauvri sur le Liban et puis de maintenir des bases militaires à travers le monde, de maintenir des guerres en Irak, en Afghanistan, de subventionner des écrasements. On opprime la population au Bahreïn, au Yémen. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça en détail cette semaine, mais écoutez, vous le devez savoir, les États-Unis financent à fond la caisse les régimes tyranniques, dictatoriaux au Yémen. Hein? Ces marionnettes dictatoriales qu'on finance, qui sont nos grands amis au Yémen et puis au Bahreïn. Et puis là, vous avez vraiment des révoltes sociales, des vraies révoltes sociales qui ont lieu, mais qui sont écrasées de façon sanglante par la police, par l'armée, qui sont financées et armées par les États-Unis et aussi, disons-le, par l'Angleterre. Et puis alors qu'on dit vouloir défendre la population en Libye, alors que c'est incroyable, alors complètement, je veux dire, contradictoire de voir ça. Donc, vous avez une fausse révolte en Libye qui est fomentée de toutes pièces et armée et financée par les États-Unis, par la CIA. Et puis, vous avez des vraies révoltes au Bahreïn et puis au Yémen. Et puis, celles-là, on les écrase. On les écrase à l'aide du financement et puis des armes financées et puis apportées par les États-Unis. Au Bahreïn, vous avez, je vais vous le dire tout de suite parce que je ne sais pas si vous avez le temps de parler du Moyen-Orient. Donc, c'est important que vous sachiez ces affaires-là. Au Bahreïn, vous avez la révolte populaire, la vraie révolte du peuple qui est écrasée par l'armée du Bahreïn. Et vous avez l'armée de l'Arabie Saoudite qui a été envoyée à l'intérieur du Bahreïn pour écraser cette révolte sociale-là. Et vous devez comprendre ce qui se passe, c'est que l'Arabie Saoudite agit pour les États-Unis. Les États-Unis ont demandé hein, à l'Arabie Saoudite d'agir en son nom. Et puis, ce qui arrive, c'est que l'Arabie Saoudite essaie d'écraser ceux qui sont les chiites, qui sont de l'Iran. Okay? Donc, on est en train de créer une faction, en fait, d'une division au Bahreïn. Et puis, on est en train d'attaquer et de provoquer par détournement l'Iran. On espère d'une certaine façon que l'Iran va intervenir. Et puis, à ce moment-là, on cherche un prétexte de provoquer l'Iran et puis d'avoir un prétexte pour pouvoir attaquer l'Iran. Donc, c'est une situation très, très importante. Et puis là, ben, vous n'allez pas voir les États-Unis voir lever le petit doigt pour venir en aide au peuple au Bahreïn puis au Yémen. Ben non, en fait, ils vont que faire le contraire et puis écraser de façon sanglante. Cette révolte populaire, vous allez trouver dans une section à cet effet cette semaine sur le Yémen et le Bahreïn, plusieurs vidéos, plusieurs liens où on apprend qu'on a maté de façon violente, on a ouvert le feu sur la population, on a arrêté des gens, on les a torturés. Vous avez plusieurs cas au Bahreïn qui sont sortis cette semaine où on a des traces évidentes de torture, on a torturé des gens aux mains d'agents. De l'Arabie Saoudite, du régime du Bahreïn, et puis c'est assez incroyable en tout cas ce qui se passe là. Puis là, les États-Unis disent pas un mot. Oh, là, c'est correct, il n'y a pas aucun problème. Mais là, hey, par exemple, en Libye, je veux dire, il faut mettre en place une zone aérienne d'exclusion, hein, de vol, et puis bombarder le pays avec des missiles Tomahawk qui coûtent plus de 1 million chaque, avec des têtes à uranium appauvri, qu'on va polluer le pays pour 4,5 millions d'années. Ça, c'est la demi-vie de l'uranium appauvri. Hein. Donc, vous voyez ici les deux poids, deux mesures complètement. Je veux dire, révoltant, je veux dire, complètement, je veux dire, à vous faire développer une psychose mentale, là, je veux dire, c'est complètement débile, le fossé entre les deux réactions, complètement contradictoires et opposées. Donc, petite parenthèse qui devait être faite. Ensuite, vous avez ici un article assez important du Guardian et aussi publié par The Observer, l'un des plus importants journaux en Angleterre. Ça a été publié le 3 avril 2011. Comment que une banque, une des très grosses banques américaines, a lavé des milliards de dollars de l'argent des gangs en fait, là, du crime organisé au Mexique. Alors, grosse, grosse enquête ici de 22 mois qui a été publiée par des agents de la US Drug Enforcement Administration, donc la DEA, et puis de la IRS, donc l'Internal Revenue Service, donc l'agence ici des revenus aux États-Unis. Et d'autres aussi, le bureau comme ça d'enquête aux États-Unis qui a commencé en 2006 et qui a fait des études et des enquêtes sur les cartels de drogue qui lavaient de l'argent, de larges sommes d'argent, à travers une des plus grandes banques américaines aux États-Unis, Wachovia, qui est maintenant part de Wells Fargo. Et écoutez, vous avez d'ailleurs en mars 2010, Wachovia, qui a été accusé formellement de ça et qui a été condamné alors écoutez, vous avez cette banque qui a transféré plus de, ici on a un montant, 378 milliards de dollars. Incroyable, ça équivaut à peu près à un tiers du produit national brut du Mexique, un tiers, imaginez. Et puis ça a été transféré et puis lavé par la banque Wachovia. Et c'est comme ça que vous avez encore une fois des nouvelles qui révèlent la corruption totale du secteur bancaire, okay, qui lave de l'argent sale, de l'argent de aussi qui, écoutez, là, on parle de meurtre et tout, donc l'argent taché, entaché de sang, et qui le lave comme ça pour des grandes organisations criminelles. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Je veux dire, les grands banquiers privés, là, je veux dire, ça fait partie des pires mafieux, des pires criminels qui sont parmi la société et qui sont en train de la gangréner de l'intérieur. Et il est temps qu'on réinstaure, s'il faut, les guillotines et puis les pendaisons, puis qu'on commence à en couper quelques têtes de grands banquiers privés de la sorte pour envoyer un message clair à ces fouteux de troubles, à ces gens qui sont en train de mettre à terre des économies de pays en entier, qui sont en train de laver des fonds de pension de millions de personnes qui ont travaillé toute une vie pour arriver au bout de toute une vie avec absolument rien, parce que ces grands connards-là ont joué les fonds de pension dans des avec des dans des dans des marchés de produits dérivés, le grand casino mondial, et puis quand ils ont tout perdu leur argent, puis qu'ils ont caché l'autre partie de l'argent qu'ils nous ont volé, eh ben ils se sont fait rembourser parce qu'ils étaient too big to fail, alors trop gros pour faire faillite, et puis on a pris les deniers publics, votre argent, dans tous les pays, autant aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada, on a pris l'argent des payeurs de taxes pour rembourser ces sales-là, ces corrompus-là, cette vermine, ces parasites de la société qui disent nous apporter des services financiers, qui disent être le middleman, okay? Qui disent, selon les mots même de Goldman Sachs, hein, les CEO de Goldman Sachs, qui disent faire l'ouvrage de Dieu. Ces gens-là qui ont déclaré ces choses-là dans les médias, ils disent faire l'ouvrage de Dieu. Hein? Ces banquiers privés-là qui contrôlent la création de l'argent dans nos pays, qui contrôlent la dette, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent le gouvernement par les couilles. OK? Alors, vous avez un pays en ce moment qui a osé dire non à ces banquiers privés-là. Et puis, c'est les Islandais, la semaine passée, qui ont déclaré non aux banquiers, on ne va pas rembourser votre dette. Mangez de la marde! Et puis cette semaine, ben, vous avez la Grande-Bretagne qui a décidé de poursuivre en justice l'Islande de l'ordre pour l'ordre de 3,5 milliards de dollars après que le pays a contré, a voté pour rejeter le plan de repayer la dette. Alors voilà. Donc vous pensez que l'Islandais va s'en servir, va s'en sortir facilement comme ça? Eh bien, on va continuer de les harceler. Et puis, ben les Islandais, tout ce que je peux vous envoyer, c'est mon message de sollicitude, mon message de soutien, mon message. Je vous lève mon chapeau pour votre courage incroyable. Vous avez le peuple grec aussi qui s'est beaucoup opposé à ça, beaucoup opposé. Puis je ne pense pas que ça va passer en Grèce. Et pendant ce temps-là, ben en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, on continue de payer, on continue de rembourser de la dette qui en fait qui n'existe même pas. Je veux dire, on crée des dettes fictives, mais qui, dans la vie pratique de tous les jours, fait en sorte que vous devenez des esclaves économiques, que vous remboursiez des dettes pour des générations et des générations et des générations à venir, des dettes qui ont été admises même par des banquiers privés comme étant impossibles à rembourser. C'est mathématiquement impossible à rembourser parce que ces cons-là, quand ils impriment de l'argent, quand ils créent de l'argent dans le système, ils l'impriment pas en plus dans le système, ils l'impriment en tant que dette. Alors, c'est de l'argent qu'il faut rembourser plus les intérêts. Alors, ces gens-là, quand ils créent, mettons, 100 milliards de dollars dans le système, ils ne créent pas en plus l'argent pour rembourser les dettes. C'est-à-dire que quand on rembourse 100 milliards de dollars, il faut le rembourser plus les intérêts. C'est-à-dire plus les intérêts, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour rester à zéro, à flot dans le système économique, il faudrait imprimer le 100 milliards plus les intérêts, mais ces cons, ces banquiers privés-là n'impriment pas cet argent en surplus d'intérêts dans le système. Donc, ce système-là, finalement, s'écroule sur lui-même. Et puis, c'est pour ça qu'il faut créer tout le temps de plus en plus de dettes à la base de la pyramide pour la maintenir en place. Et puis là, ce qu'on assiste à, c'est un problème de solvabilité. Les peuples, les gouvernements, les municipalités, les États, les provinces n'ont plus d'argent. Donc, on n'est plus capable de s'endetter. Et puis là, ben, on assiste à un écroulement de cette pyramide. Et puis, qui va tout rafler les pièces pour pas cher après? Ces mêmes banquiers privés-là. Alors voilà. Vous avez ces très courageux Islandais-là qui ont d'ailleurs amené des poursuites judiciaires contre l'ancien premier ministre de l'Islande, M. Geir Harde, j'espère que je prononce son nom correctement, pour compétence et mauvaise gestion de la crise financière en Islande, alors qui a mené à l'effondrement du système bancaire de l'Islande. Et puis, si lui, il est trouvé coupable, eh bien, il va s'en aller en prison. Alors, voilà ce qui devrait être fait pour tous ces banquiers privés dans nos pays, d'ailleurs. Vous avez 15 scénarios ici d'effondrement économique qui pourraient se passer potentiellement d'ici la fin de 2011. Alors, allez voir ça, un article aussi très intéressant pour voir les possibilités de ce qui pourrait se passer d'ici 2011. Si je parlais des écoles publiques de Détroit, eh bien, une autre nouvelle qui parle de ça ici, vous avez ces écoles publiques de Détroit qui, pour la moitié, pourraient fermer ses portes cette année, OK? Donc, d'ici les 2 prochaines années. Donc, plusieurs autres nouvelles comme ça. Vous avez des sans-abri, des SDF pour nos amis français, pour bien comprendre, les sans-abri aux États-Unis qui commettent des crimes juste pour être arrêtés et puis être mis en prison. Alors, ces gens-là préfèrent être en prison qu'être à l'extérieur et de crever de faim dans les rues. Alors, ils commettent des crimes, ils se font mettre en prison, puis là, après ça, ben, ils sont nourris et logés par l'État. Alors, imaginez comment que la situation vous va bien aux États-Unis quand on en est rendu à ce point-là. Vous avez une famille ici à qui on a donné une facture, en fait, d'une taxe de mortalité pour leur bébé qui n'a vécu qu'une heure. Alors, imaginez comment qu'on est rendu dans les bas-fonds aux États-Unis. Une femme qui s'appelle Olivia Clark. En fait, c'est un bébé, c'est son bébé qui s'appelait Olivia Clark qui a vécu seulement pour une heure. Les docteurs ne s'attendait même pas qu'elle survive à sa naissance. Et puis, ces gens-là ont reçu une facture de 50 $ pour la mort de leur enfant. Alors, réellement, le gouvernement, là, en son tout, là, réellement, là, en sa totalité, est vraiment un sale, je sais pas moi, comment dire, c'est tellement sans cœur. Je veux dire, c'est tellement sans cœur, cette organisation qu'on appelle le gouvernement maintenant. C'est incroyable. Donc, ainsi de suite, là, il y a d'autres nouvelles, mais on va s'arrêter là parce qu'on est déjà passé quasiment la moitié de l'émission, là. Donc, vous avez plusieurs nouvelles comme ça ici, assez incroyables à lire au niveau de l'économie. Donc, je vais vous laisser tout découvrir ça par vous-même. Et puis, en revenant de la pause, on va se pencher sur le cas du Japon. La semaine passée, je n'ai pas eu beaucoup de temps là, de vraiment là, me pencher sur la situation à Fukushima. Et puis, j'ai beaucoup de commentaires. Bon, des gens qui écoutent l'émission, de gens qui lisent les articles aussi que je publie sur les sites du Québec, sur les nouvelles internationales et sans papier, qui me remercient d'en parler parce que les grands médias n'en parlent plus. Et puis, je vais vous dire qu'ici, en étant en Asie, ben, des fois, je me rends pas compte un peu de la scène médiatique locale. Autant au Canada que, bon, pas évidemment en France parce que j'habite pas là en Europe. Et puis je me rends compte que réellement les médias en général n'en parlent presque plus. Et puis c'est le cas ici aussi là en Asie. Je suis à Taïwan et puis quand on regarde les nouvelles, Fukushima est complètement disparu des nouvelles. On n'en parle plus comme si la situation était stabilisée puis il n'y avait plus aucun problème avec ça ou du moins c'était sous contrôle. Et c'est tellement pas le cas. C'est tellement pas le cas, et vous savez, je lis les nouvelles au moins 4-5 heures par jour. Je suis vraiment un maniaque de ça, je suis ça à fond. Et puis, je passe au moins 1 heure ou 2 sur le cas du Japon à tous les jours. Et puis, sincèrement, je vois un très haut volume de nouvelles là, à chaque jour et à chaque semaine, et mois après mois, année par année. Donc, ça me prend quand même des bonnes nouvelles pour m'impressionner, là, vous savez. Et puis, honnêtement, là, à chaque jour, il y a des nouvelles qui sortent du dossier de Fukushima et qui me jette en bas de ma chaise par leur gravité puis leur implication. L'histoire de Fukushima est loin d'être réglée et puis en fait ça s'empire de jour en jour et vous avez des nouvelles absolument atterrantes qui sortent à tous les jours, qui viennent vraiment gifler le visage et puis je dirais de l'humanité là, réellement, là, je dirais du domaine du lobby de l'énergie nucléaire, de l'industrie de l'énergie nucléaire. C'est un désastre total ce qui se passe à Fukushima. La semaine passée, on a augmenté le niveau de la gravité de cet incident. En fait, ce n'est pas un incident, c'est un accident nucléaire de niveau 7 qui est au par avec celui de Tchernobyl. Mais si on l'a monté au niveau 7, c'est seulement parce qu'il n'existe pas d'échelon supérieur à ça. Fukushima, à mon avis, va définir de nouveaux échelons à cette échelle d'accident nucléaire mondial, international, OK? C'est certain, là, Fukushima, là, c'est au moins niveau 8, niveau 9. Vous avez une situation horrible qui se déroule là-bas, puis c'est pas pour faire dans l'alarmisme ou dans le catastrophisme. C'est catastrophique ce qui se passe à Fukushima, OK? C'est la sombre et triste réalité. J'aimerais bien vous dire le contraire, j'aimerais bien vous rassurer, mais il n'y a rien de rassurant avec ce qui se passe là-bas, OK? Donc, on va parler de ça pas mal en détail autour de la pause, et puis s'il nous reste du temps, à la fin de l'émission, on parlera un peu là, des nouvelles du Moyen-Orient puis d'Afrique du Nord. Donc, on fait une petite pause. Vous êtes de retour, chers auditeurs, à l'autre monde. Alors, nous abordons maintenant le dossier du Japon. Je vais essayer de vous passer le plus d'informations que je peux là, pour vous donner une bonne vue d'ensemble là, de ce qui se passe. Là. Donc, je n'aurai pas le temps là, d'entrer en détail dans toutes les nouvelles, mais je vais plutôt vous résumer, si vous voulez, là, rapidement ce dont il s'agit, puis vous référer à ces nouvelles-là, parce que ce sont tous des articles en soi, qui sont intéressants à lire. Certains sont très informatifs, en d'autres, ce sont que des évidemment là, des nouvelles qui sont rapportées là, sur l'état d'une chose ou d'un autre. Sauf que vous allez voir que ça va finir par brosser un tableau, une perspective assez je dirais assez juste de ce qui se passe là. Et puis, pour ceux qui pensent que c'est encore là de l'alarmisme, parce que vous avez tout le temps ces gens-là qui viennent vous dire que là, c'est du sensationnalisme, c'est de l'alarmisme, du catastrophisme. Ben écoutez, allez faire un tour ailleurs pendant cette prochaine heure. Alors, écoutez d'autres choses, écoutez de la musique, détendez-vous. Pendant ce temps-là, ben nous, on va distribuer l'information et puis on va la prendre comme on veut. Sauf que vous allez voir que c'est pas une question de catastrophisme, mais ce sont des nouvelles qui sont rapportées dans les médias. Et puis, on va essayer d'y voir clair là-dedans sans embarquer dans les émotions ou quoi que ce soit, parce que c'est effectivement un dossier qui peut faire assez peur à certaines personnes. Il y a de quoi d'avoir peur aussi. C'est un dossier assez particulier. Là, je veux dire, quand on parle de des trucs qui vont avoir des effets pendant des milliers d'années, il y a de quoi d'être assez inquiet à propos de ça, sauf que d'être inquiet puis de vivre dans la peur, ça ne donne rien non plus. Il va falloir passer à l'action et puis faire en sorte justement que ces trucs-là ne se reproduisent plus. Et puis pour qu'ils ne se reproduisent plus, ben, c'est qu'il va peut-être falloir trouver une nouvelle source d'énergie que l'énergie nucléaire, ou du moins faire ce que la Chine est en train de faire, annoncer qu'elle ferait, c'est de se virer si les pays ne veulent pas abandonner l'énergie nucléaire, ben au moins se virer vers le thorium. Le thorium qui est un autre élément qui peut être utilisé dans ces réacteurs-là, moyennant une certaine modification. Et puis le thorium a le grand avantage de libérer, je crois que c'est 4 à 5 fois plus de chaleur avec la même quantité de matériel et qui, à la toute fin du processus, ne produit pratiquement pas de plutonium. Alors, on n'a aucune application militaire, ce qui est bien triste pour les gros lobbies militaires. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le nucléaire est si persistant et puis si invasif. C'est qu'évidemment, vous avez tous les lobbies militaires qui se cachent derrière. Ça a été d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles on a choisi les types de réacteurs qu'on utilise présentement. Alors que au tout début des recherches nucléaires, il y avait deux factions qui se développaient. Et puis, il y avait celle des réacteurs, des fast breeders, comme on appelle actuellement, et qui sont utilisés présentement partout dans le monde, et ceux qui étaient pour être développés avec le thorium. Et puis, évidemment que le lobby militaire préférait de loin les centrales nucléaires, qui fabriquaient, qui arrivait avec un sous-produit de plutonium qui pouvait être utilisé pour faire des bombes nucléaires, vous comprenez? Alors, ça aussi, c'est des choses là, qui sont très intimement liées. Le domaine du nucléaire, c'est un domaine qui est tissé très étroit et qui a de très puissants intérêts derrière. Très puissants intérêts derrière. D'ailleurs, vous allez voir ça un peu dans l'histoire d'Obama et des États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez le président Obama, lui, qui a continué à vouloir donner de l'expansion au domaine de l'énergie nucléaire, malgré ce qui s'est passé au Japon, malgré ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Three Miles Island, et puis tous les autres accidents nucléaires. Et surtout, en tout cas, celui de Fukushima, parce que là, c'est assez évident qu'il y a vraiment un problème de sécurité évident avec les réacteurs nucléaires. On nous dit tout le temps que c'est sécuritaire tant qu'ils explosent pas, tant qu'ils rentrent pas en fusion. Ben, c'est justement le cas, c'est ça. Ils sont sécuritaires jusqu'à temps que ça arrive. Puis malheureusement, ben, ça arrive, puis ça arrive continuellement, puis c'est arrivé depuis les tout débuts de l'histoire du nucléaire. Cette semaine, d'ailleurs, je vais vous laisser les liens vers un article génial du Der Spiegel qui est publié originellement en Allemagne. Et puis, c'est un dossier vraiment intéressant qui a été divisé en 20 parties. Très brève, là, ça se lit très très bien avec une image à chaque partie et qui montre justement 20 endroits sur la planète Terre qui sont des no man's land, des wastelands, alors, des parcelles de terre ou d'océan où c'est tellement contaminé par la radioaction, soit parce qu'on a fait détonner des bombes expérimentales, soit parce que diverses raisons, soit des centrales nucléaires qui ont connu des accidents là, importants et puis qui ont répandu une quantité importante d'éléments radioactifs dans l'environnement autour. Donc, vous avez 20 de ces endroits-là sur la planète qui sont de façon irrémédiablement pollués, en tout cas pour des temps immémoriaux, là, je veux dire, ça va être pour très, très longtemps. Vous avez aussi, là, si vous faites une recherche sur Internet, là, vous allez trouver rapidement là, plusieurs accidents nucléaires. Puis, ce qui arrive, c'est que la plupart, ils sont dissimulés. Il y en a certains comme ça, très importants, qui se sont produits, dont on a appris l'existence des années après que ce soit produit. Et puis, les populations qui habitaient autour se sont pris des sales doses de radiation en pleine gueule. Et puis, ils ont été informés seulement que lorsqu'ils commençaient à tomber malades, puis que les bébés commençaient à naître tout difformes, vous comprenez? Alors, les gens commençaient à se poser des questions, puis là, on admettait à brûle-pourpoint, ah oui, mais by the way, on a eu un accident il y a 5 ans, puis on ne l'avait pas dit, tu sais, mais écoutez, vous avez été exposé à 10 fois les doses acceptables là, dans une vie au complet, tu sais. C'est arrivé à quelques endroits comme ça. Donc, ça, ce n'est pas des cas isolés, malheureusement. Ça arrive de façon répétitive, constante, régulière, dans toute cette industrie qui est simplement là, dangereuse pour l'avenir de la planète Terre, là, pour le génome humain, pour l'ADN, pour vraiment le développement génétique de la planète. Là, réellement, là, c'est quelque chose d'assez étrange. Et puis là, vous allez voir un article ici qui parle des amis d'Obama. Les fameux amis d'Obama qui sont derrière Obama. Et ces amis-là, il y en a plusieurs qui sont impliqués, de très puissants, qui sont impliqués justement dans le domaine nucléaire. Et cet article-là brosse un tableau très, très, très intéressant de qui est Obama et qui sont ses supporters. Vous avez des amis corporatifs très intimes comme General Electric, Duke Energy, puis Exelon, qui sont très profondément impliqués dans l'énergie nucléaire. Vous avez General Electric qui a un rôle direct dans le fiasco nucléaire du Japon avec ses réacteurs qui ont explosé, les Mark One. Et vous avez ce géant industriel qui est aussi très proche d'Obama, de l'administration d'Obama. Vous avez le CEO Jeffrey Immelt qui a été choisi par le président pour être celui qui était pour être à la tête du Economic Recovery Advisory Board. Il a d'ailleurs été choisi aussi par Obama pour être un de ses chairmen sur un de ses conseils. Vous avez des groupes de conseils comme ça. Vous avez aussi Vous avez différentes relations aussi très étroites entre Obama et puis General Electric sur plusieurs fronts aussi, qu'on fait des politiques comme les plans de sauvetage, de stimulus économique, les politiques climatiques, les fameuses réformes du domaine de la santé aux États-Unis, les trains à haute vitesse, l'énergie éolienne, les voitures électriques, toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez d'ailleurs aussi GE qui a aussi financé la campagne électorale d'Obama. Donc, vous avez évidemment des liens comme ça très importants. Vous en avez d'autres aussi avec, par exemple, Duke Energy, donc qui sont aussi très proches d'Obama. Donc, ce sont des grands monopoles encore là d'énergie qui contrôlent des grands secteurs comme ça. Et puis, ben, ces gens-là, écoutez, ils font carrément des politiques aux États-Unis, là. Je veux dire, ces gens-là, ils sont très, très, très proches du gouvernement. Ça fait d'ailleurs cette compagnie-là qui opère des plans nucléaires dans les Carolines. Donc, écoutez, c'est un article très, très, très intéressant à aller voir. Vous avez Exelon aussi, qui est la deuxième compagnie nucléaire aux États-Unis d'importance, là, qui a été d'ailleurs aussi un des top stratégistes politiques d'Obama. Donc, David Axelrod, qui était aussi un consultant d'Exelon, qui est d'ailleurs basé dans le même État, l'Illinois, que Barack Obama. Vous avez le CEO aussi, Frank Clark d'Exelon, qui était un conseiller d'Obama et puis qui était aussi quelqu'un qui faisait des levées de fonds pour Obama. Et il y a aussi le directeur John Rogers qui a aussi levé des fonds pour Obama. Alors, vous voyez, hein, ces gens-là sont autour. John Rowe, qui est aussi un CEO d'Exelon, qui était vraiment une voix très, très, très, très, très, très, très bruyante. Hein, qui poussait pour la législation pour les changements climatiques. Alors évidemment que toute cette gang-là, comme Al Gore, qui a des conflits d'intérêts graves aussi parce qu'il y a des intérêts dans l'énergie nucléaire, vont vous dire qu'à cause du réchauffement climatique, ah, réchauffement climatique, là, ah, oui, ça va tout nous tuer, puis tout, là, le pétrole, puis le charbon, c'est pas bon, fait que là, il faut se tourner vers l'énergie nucléaire qui est propre, qui est sécuritaire, ben oui. Tabarnane, méchante bonne solution. Regardez ça, Fukushima. Hey, bonne tape dans le dos. Une belle tape dans le dos, le grand. T'as fait une bonne job. Hey, c'est beau de voir ça, ces réacteurs à ciel ouvert comme ça, hein, qui crachent des radiations parce que ces caves-là sont pas capables de les designer d'une façon acceptable. Vous avez même des ingénieurs qui ont quitté leur emploi en protestation parce que justement, ils savaient que les designs étaient propices à des accidents de ce type-là. Okay. Vous avez des gens qui sont assez honnêtes, des ingénieurs, des scientifiques qui ont signalé des failles dans ces systèmes-là. Et puis, vous avez le gouvernement américain, le gouvernement japonais, TEPCO, Fukushima, qui ont tout simplement ignoré ces signaux-là, avant-coureurs d'un désastre qui était à venir, et puis maximiser les profits. Hein? Donc, on entasse aussi tous ces déchets de combustible nucléaire dans les mêmes piscines. Et puis là, quand le truc, là, à un moment donné, il manque d'eau, là, comme à Fukushima, ben là, on se retrouve avec hein, des milliers de bâtons de crayons de combustible dans ces piscines-là qui commencent à surchauffer. Puis là, ben, on se retrouve avec des centaines, c'est pas des milliers de tonnes de matières radioactives qui sont tout simplement vaporisées dans les airs et qui se propagent à la grandeur de l'hémisphère nord. D'ailleurs, vous avez trouvé plusieurs nouvelles à cet effet-là. On a commencé à retrouver toutes sortes d'éléments de radioisotopes nucléaires, radioactifs, un peu partout à travers l'hémisphère nord. Alors, je ne résumerai pas un par un par un. Là, vous allez voir là, plusieurs nouvelles à cet effet-là, mais on en a retrouvé des retombées radioactives sur la côte ouest américaine, en Californie, avec des taux très élevés. En fait, vous avez 13 États aux États-Unis où on a mesuré des taux élevés, même dépassant certaines limites, à certains endroits, certaines limites acceptables de déchets radioactifs là, qui tombent du ciel dans l'eau de pluie. On en a retrouvé des traces dans le lait, dans différents produits comme ça, des produits de la ferme, donc des légumes, des trucs comme ça. À Vancouver, la même affaire, on a trouvé aussi des algues, alors des algues comestibles qui contenaient déjà des quantités assez importantes là, de césium, d'iode, donc différents trucs comme ça. La même affaire aussi en France, en Europe, alors vous avez plusieurs pays qui ont retrouvé de ces matières-là dispersés sur leur territoire, donc soit dans l'eau de pluie ou ben non, ça se retrouve très rapidement là dans les laits produits, dans les produits laitiers. Donc, vous allez voir plusieurs nouvelles à ces effets-là. Et puis, au lieu d'affoler la population avec ça, hein, en mettant plus de sondes pour mesurer les taux de radioactivité, bien, vous avez plusieurs pays qui ont réagi d'une façon contraire, comme ici au Canada, aux États-Unis, la même affaire, où vous avez ici Santé Canada et puis bon, les instances officielles qui sont censées s'occuper de ça, ont refusé, en fait, ont mis fin aux mesures de l'unité mobile sur la côte ouest. Alors, on ne veut pas mesurer l'air, on dit qu'il n'y a aucun problème avec ça. Alors, imaginez comment c'est incroyable. Au moment où on en aurait le plus besoin, ces cons-là décident de tout simplement arrêter les services mobile de mesure de radioactivité dans l'air. Alors, vraiment, on peut compter sur nos gouvernements pour nous raconter la vérité puis nous protéger. Ça, c'est certain. Vous avez même pire que ça, vous avez différents pays comme la zone européenne, on sera en France, et dont la zone européenne ont décidé d'augmenter certaines limites de 20 fois. Alors, au lieu de vous inquiéter avec les taux qui augmentent un peu partout, et dire que ça dépasse les limites qu'on avait mises en place, eh bien, on monte ces limites-là. Alors, on fait la même affaire dans l'Union européenne, aux États-Unis, ici au Canada, on arrête de mesurer pour ne pas trop inquiéter la population. Hein? Puis là, ben, vous savez, aux États-Unis, ces totons-là qui ont décidé d'augmenter aussi les taux de radioactivité, c'est-à-dire limite. Alors, vous savez, par exemple, le strontium 90, eh bien, on l'a augmenté d'environ 1000 fois. Alors, on a augmenté l'exposition acceptable au strontium de 90 de 1000 fois. On l'a augmenté de 3000 à 100 000 fois pour les expositions à l'iode 131 et à peu près de 25 000 fois pour l'exposition au nickel 63 radioactif. Alors, on a mis en place des nouvelles lignes guides comme ça pour les radiations. Comme ça, ben, à ce moment-là, on n'a pas trop à s'inquiéter, ça ne va pas dépasser limite avant un bon bout, puis on n'a pas besoin d'alarmer la population, hein, puis de faire des catastrophismes, parce que c'est catastrophisme, là, c'est du catastrophisme que d'alerter la population que les taux de radiation augmentent énormément dans la nourriture, qu'on retrouve des isotopes radioactifs un peu partout dans la chaîne alimentaire. Donc, il ne faut pas épeurer la population, et puis pour ne pas les épeurer, bien, au lieu de tout simplement les avertir, on augmente les limites, comme ça, bien, tout rentre dans l'ordre, c'est bien beau. Et on s'assure que les gens ne paniquent pas comme ça. Écoutez, c'est assez incroyable, là. Vous avez pendant ce temps-là des écoles en Corée. Vous avez 130 écoles qui ont fermé il y a environ une dizaine de jours, pas loin de 2 semaines, parce qu'on avait retrouvé des taux de radiation trop élevés dans l'air. Vous avez aussi plusieurs cours d'école au Japon où on a retrouvé des éléments radioactifs qui retombaient de Fukushima. Donc, on a toutes sortes de trucs comme ça. On en retrouve dans les magasins en Californie. Alors, toutes sortes de trucs. C'est vraiment fantastique de voir ça dans la nourriture. De toute façon, ça goûte meilleur. C'est nutritif, j'imagine. C'est ça qu'ils vont nous dire bien rapidement, là. Donc, on a toutes sortes de trucs comme ça qui descendent, là. Donc, du C-134, des trucs qui ont des demi-vies de 8 à 2 jours ici. Un autre, vous savez, le césium-137, lui, qui a une demi-vie de 30 ans. Alors, hop, ça, c'est un petit peu plus longtemps. Oh, césium-135, une demi-vie de 2,3 millions d'années. Ah, ben ça c'est particulier parce que ceux-là sont jamais rapportés. Hein, on ne rapporte pas ceux-là. Donc, ça aussi, c'est une genre de campagne de désinformation assez intense. C'est-à-dire que les médias puis les gouvernements vont parler des taux des éléments qui ont les plus courtes demi-vies. Et puis, on ne rapporte pas ceux qui ont des demi-vies plus importantes comme le C-135 qui a une demi-vie de 2,3 millions d'années. Ça, ils n'en parlent pas. Vous avez d'autres nouvelles qui font état que lorsque le fameux réacteur numéro 3 a explosé, celui qui roulait au MOX, donc un mélange d'uranium et de plutonium à 7%, le truc a explosé dans les airs à plus de 1,5 km et s'est répandu sur quelques kilomètres autour de Fukushima. Donc, on se retrouve avec des particules de plutonium dans le sol, un des éléments les plus toxiques connus par la science. Alors, vous savez, je pense que c'est un millionième de micron est suffisant pour causer un cancer. des poumons. Alors là, vous avez les médias, évidemment, le gouvernement qui vous disent, ah, mais aucun danger pour la santé humaine, ni pour la sécurité ou l'environnement, tout ça. Donc, ça, c'est la phrase clé. Et puis d'ailleurs, vous allez trouver des nouvelles qui parlent de ça, des insiders, des gens qui ont travaillé pour l'industrie nucléaire, des gens là, qui ont travaillé à l'intérieur de l'industrie nucléaire, qui, dans quelques articles que je vous ai mis en lien, parlent justement de ce genre de code de conduite du lobby de l'énergie nucléaire. C'est vraiment la façon de procéder, c'est qu'à toutes les fois qu'on a un accident, que ce soit mineur ou que ce soit majeur, la ligne de conduite pour tous les intervenants, c'est tout le temps une ligne rassurante. C'est tout le temps de rassurer les gens. Alors, on vous dit d'un côté, oh, vous avez du plutonium qui a été détecté. Vous allez voir plusieurs articles de ça aussi, là, qui parlent du plutonium qui a été détecté dans des échantillons de sol autour de Fukushima, puis dans les régions environnantes. On découvre du plutonium, donc on dit que c'est une des substances les plus dangereuses et plus toxiques qui existent sur la planète. Et puis, tout de suite, la ligne d'après, on vous dit, mais il n'y a pas de danger pour la santé et la sécurité humaine. Donc, c'est tout le temps la même phrase. Vous devez comprendre aussi, vous avez plusieurs articles aussi que je vais vous laisser, qu'il n'y a pas de dose sécuritaire, OK? Vous avez plusieurs experts qui parlent de ça, des ingénieurs, des scientifiques, des gens qui sont dans le secteur nucléaire, mais qui sont des indépendants, donc beaucoup plus crédibles que ceux qui sont à l'intérieur du lobby, évidemment, et qui racontent évidemment qu'il y a une grosse désinformation par rapport à ça, parce qu'on ne fait jamais la différence entre la radiation d'un émetteur externe et celle d'un émetteur interne. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de dommages. T'sais, on dit que les dommages, les dangers à la radioactivité d'un émetteur externe est inversement proportionnel au carré de la distance. Et puis, ce qu'on parle jamais, c'est que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de la particule qui émet de la radioactivité, qui émet des radiations, ben plus le danger est grand pour votre santé. Donc, imaginez le danger quand vous avez tout simplement respiré ou ingéré cette particule radioactive et qu'elle est dans votre système, dans votre corps, comme le strontium, lui, se fixe dans les os, par exemple, et va déclencher des leucémies. Alors là, la particule radioactive, l'émetteur de radiation, est dans votre corps, est tellement proche de vos cellules qu'en fait, il est collé à vos cellules. Et donc, l'inversement proportionnel, là, au carré, là, c'est au carré. Okay? Donc, vous avez des effets très, très dévastateurs lorsque ces particules sont ingérées, sont dans le corps. Alors, vous avez trouvé plusieurs articles, justement, qui parlent de ça, qui rappellent qu'on sait très bien, même dans l'industrie nucléaire, que même les faibles doses de radiation sont cumulatives, biocumulatives et sont dommageables pour la santé, évidemment, sont cancérigènes, dangereux pour l'ADN et le système immunitaire, et ainsi de suite, OK? Donc, ne laissez-vous pas berner, là, je veux dire, quand on vous dit qu'on découvre de l'iode, du césium dans l'eau, dans le lait, puis on vous dit que c'est encore bien en deçà des normes acceptables, vous pouvez continuer à en boire, ben, pensez-y 2 secondes, soyez bien informés, parce que c'est pas, je suis désolé, là, mais c'est pas comme s'il y avait un peu plus de sucre dans l'eau, ben non, un petit peu plus de protéines. C'est des éléments radioactifs. Laissez aussi de côté toute la sale bullshit là, de propagande qui dit que on est entouré de radiation, qu'on est entouré de radioactivité naturelle dans l'environnement, même que le corps en émet naturellement. Ben oui, mais bien sûr, c'est bien certain. Puis justement, c'est déjà bien correct de même, pas besoin d'en rajouter, là. OK? Puis, comme je vous dis, il y a une différence à être bombardé par des radiations du soleil ou des éléments dans le sol, et puis celles qui en émettent directement dans votre corps, comme je vous dis, avec des particules, en plus qu'on répand de façon complètement inutile, du superflu qu'on n'a pas besoin dans l'environnement, avec des particules qui durent des milliers d'années, des fois des millions, des fois des milliards d'années. Hein? Donc, on a d'une certaine façon condamné des territoires au complet, des populations pour des générations et des générations et des générations et des générations. Donc, allez voir ça, c'est quand même assez particulier là, de voir ça. Vous savez, en Ohio, la pluie qui avait plus de 130 fois de diodes radioactives que les standards fédéraux pour l'eau buvable. Ensuite, vous avez du césium radioactif qui était à 13 fois les limites. Et le césium 134, la même affaire. Et puis, bon, toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez des nouvelles, là. Je ne vous lirai pas toutes, comme je vous disais, là, mais c'est vraiment dans toutes sortes de places. Alors, vous avez même ici, bon, des nouvelles, on parle du Vietnam et toutes sortes d'endroits comme ça, la Russie qui a banni les fruits de mer, les importations de fruits de mer de différentes régions du Japon. Donc, vous avez plusieurs, évidemment, des voisins du Japon qui sont un peu alarmés par la situation. La Chine qui a mis certaines restrictions sur les importations. Vous avez des voitures qui étaient usagées, qui ont été acheminées du Japon vers la Russie, qui ont été arrêtées à la frontière. Donc, vous avez 50 voitures qui étaient trop radioactives, imaginez. Alors, on va les retourner au Japon. Vous avez des cargos qui passent au large de la Chine et qui sont contaminés, même des avions de passagers qui passent au-dessus du Japon et qui se retrouvent exposés à des doses de radio, des doses de radiation assez importantes. Et quand ils arrivent dans les aéroports comme en Chine, aux États-Unis, dans d'autres places, ils font partir les détecteurs de radioactivité. Alors, imaginez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se répandre partout. Il va y avoir des conséquences importantes. Le gouvernement japonais a banni aussi, a interdit en fait, je devrais dire, la plantation de riz. Alors, pour cette nouvelle saison de riz ici en Asie, et puis ben, vous avez certaines régions là, qui vont être interdites là, de planter du riz ou d'autres cultures au Japon parce que justement les sols ont été trop contaminés. Donc, vous voyez là que c'est vraiment en train de... c'est en train de se répandre un peu partout. La France, une autre nouvelle ici de l'iode qui a été trouvé dans l'eau de pluie puis le lait. Un autre article qui parle de la contamination qui se répand partout dans l'hémisphère nord. Donc, voyez, là, c'est de quoi d'assez important. Les grands médias n'en parlent pas. On essaie de pas trop vous en parler, de pas trop vous inquiéter avec ça. Quand on en parle, ben là, on se fait taxer d'alarmisme et puis de catastrophisme. Alors, comme vous voyez, là, je fais pas dans le catastrophisme, là. Je rapporte les nouvelles, là, que je trouve, là, c'est tout, c'est publié, là. C'est juste que les médias n'en parlent pas de façon en page première, si vous voulez, ou dans les médias télévisés, surtout, là. Ensuite, ben écoutez, il y a cette histoire, il y a cette histoire des tremblements de terre qui continue. Cette semaine, il y en a eu quoi, 75, je crois, en une semaine seulement. Alors, c'est en moyenne là, d'un petit peu plus de 10 tremblements de terre par jour. En fait, c'est pas réparti exactement égal comme ça. Les 24 ou 36 dernières heures au Japon, là, il s'est passé pas loin de 20 tremblements de terre. Alors imaginez, là, c'est pas des petits tremblements de terre, c'est des affaires de. Je regarde la moyenne, là, c'est entre 4 et 5 sur l'échelle de Richter. Il y a quelques jours, peut-être 2-3 jours, il y en a eu 3, un de 7,1, 6,4 et 6,1. Imaginez, c'est des tremblements de terre massifs, là. Et puis, ça continue de brasser comme ça. Il y en a qui sont directement en dessous de Fukushima. Les réacteurs, on essaie tout le temps de les refroidir avec de l'eau. Alors, ils sont gonflés d'eau, ils débordent d'eau. Sauf que les réacteurs sont fissurés. En tout cas, du moins, certains d'entre eux sont fissurés. Au moins, on est certain que le réacteur numéro 2 l'a été. On a essayé de réparer ces brèches-là. On continue à trouver de l'eau fortement radioactive dans les tunnels qui sont sous les réacteurs et dans les juste immédiatement sous les espaces de confinement de ces réacteurs-là. Donc, ça laisse présager qu'il y a d'autres fissures. Et puis, évidemment, dès qu'il y a des fissures, ça veut dire qu'elles ne peuvent que s'élargir. Une fissure, ça se rétrécit jamais. Et puis les taux de radioactivité sont très importants. Là, vous avez, suite à justement à ces 2-3 tremblements de terre qui se sont passés il y a quelques jours, tout d'un coup, les taux de radioactivité se sont mis à sauter à près de 100 sievers. Alors, 100 sievers, là, c'est énorme. Okay? On dit qu'une dose de 2 sievers, de 2 à 6 sievers, là, c'est des radiations très sérieuses qui fort possiblement entraîne la mort dans les moments ou dans les heures ou les jours à suivre. Ok, c'est des fortes radiations. Alors cent sievers, là, imaginez là, je veux dire, on se retrouve avec des taux de radiation extrêmement élevés. On a essayé de colmater la fuite là, qui venait des tunnels sous le réacteur numéro 2 qui s'échappait dans l'océan. On est en train de mettre en place des grosses plaques de métal géantes là, très épaisses pour sceller l'endroit. Donc là, on continue à mesurer des taux de radiation assez élevés dans l'océan. Écoutez, juste avant qu'on relâche, là, vous savez, on a relâché plus de 12 000 tonnes d'eau contaminée dans l'océan parce qu'on n'avait plus d'espace là, pour entreposer l'eau qui s'accumule parce qu'on continue de gicler de l'eau là, sur ces réacteurs-là pour les refroidir. Alors, l'eau s'échappe par les fissures, ça se ramasse dans les tunnels et puis là, l'eau augmente. Alors là, on a essayé de colmater la fuite de l'eau qui venait là, du réacteur numéro 2 qui s'écoulait dans l'océan. Donc là, un coup que c'est colmaté, Ben là, l'eau commence à monter dans les tunnels. Donc là, on se retrouve avec le même problème du départ quand on avait tout simplement flushé 12 000 tonnes. 12 000 tonnes, là, c'est 3 millions de gallons d'eau, là. Puis, pour nos amis européens, là, les gallons, là, c'est quoi? C'est 3 litres pour un gallon, un truc comme ça, là. Donc, on parle, là, d'une dizaine de millions de litres d'eau facile, là, contaminée, qu'on a relâchée dans l'océan comme ça, un désastre écologique déjà en soi. Pour faire de l'espace pour de l'eau encore plus contaminée qui est dans les réacteurs et sous les réacteurs. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'en colmatant les fuites, ben là, l'eau dans les tunnels continue d'augmenter. Puis là, ben, on va se retrouver avec trop d'eau encore. Écoutez, on se retrouve avec probablement, là, selon les nouvelles qu'on a, là, on a environ 60 000 tonnes d'eau contaminée sous Fukushima. 60 000 tonnes d'eau. OK, on en a flushé 12 000 il y a une dizaine de jours. Et puis, ben là, tout ce que ça va faire, c'est que là, le volume d'eau augmente, augmente, augmente. Et puis là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va nous apprendre dans quelques semaines qu'il va falloir relâcher encore de l'eau dans l'océan. Et puis encore une fois, puis encore une fois. Donc, on colmate la fuite, puis après ça, il va falloir quand même rejeter l'eau dans l'océan. Fait que finalement, vous voyez que on a beau dire que la situation s'améliore. Je veux dire, réellement, il faut être un peu imbécile pour penser que réellement ça s'améliore. Surtout que là, vous avez un article choc qui a été publié par le New York Times, si je me rappelle bien, qui fait état, écoutez, là, vous avez les gens à l'inside, là. Les experts nucléaires, ils savent très bien, ont publié, vous avez des sources importantes à aller voir dans toutes les nouvelles sur le Japon cette semaine, qu'on suspecte maintenant fortement, là, qu'on a même des bons indices là, pour croire que les cœurs nucléaires, des réacteurs numéro 1, 2 et 3, sont partiellement fusionnés. Hein, sont en fusion, sont en train de fondre et se seraient écoulés même dans le fond de l'enceinte de protection, là, sous pression, et est en train possiblement même de percer ça si ce n'est pas déjà fait. Et possiblement aussi que la piscine d'entreposage du carburant déjà utilisé, qui est dans le bâtiment numéro 4, et se retrouve avec probablement des taux. En fait, le niveau d'eau est probablement trop bas et vous avez la température qui augmente aussi dans cette piscine-là. On réussit à la refroidir, ça descend, après ça remonte, après ça redescend, après ça remonte. Et puis, ce qui arrive, c'est que on détecte des bourrées comme ça, des bourrées d'éléments radioactifs qui s'échappent, et puis des bonnes bourrées, là, des sales bourrées, là. Vous avez là des taux assez sévères là, qui sont mesurés. Des fois, on parle de 10 000 à 25 000 fois, par exemple, les taux normaux. Dans l'océan, avant qu'on relâche, là, c'est 12 000 tonnes d'eau contaminée. On avait déjà des taux de radioactivité de 7,5 millions de fois les taux normaux. Imaginez. Après ça, zap, on a réussi à colmater la fuite là, qui fuyait sous le réacteur numéro 2. Les taux de réactivité ont baissé. Après ça, tremblement de terre, ouah, ça remonte. On est loin d'être dans une situation où c'est stabilisé, mais vraiment loin de là. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez TEPCO, le gouvernement, qui ont remis leur blueprint, alors leur plan si vous voulez, là, d'attaque, là, pour savoir comment on va réussir à gérer cette situation-là. Et puis, il est admis généralement que la situation ne sera pas amenée sous contrôle avant au moins 3 mois. Donc là, on va avoir pendant 3 mois encore, ça fait déjà un mois que ça s'est produit, donc un autre 3 mois de relâchement, d'émissions de radioactivité dans l'air. Et on dit que ça pourrait même durer jusqu'à 10 mois. Alors, ça donne un délai de 3 à 10 mois pour prendre contrôle de la situation, refroidir, remettre en fonction les systèmes de refroidissement. Et on dit qu'on ne sera même pas en mesure de couvrir ces réacteurs-là de béton ou quoi que ce soit, de mettre une chape de béton, simplement de les mettre dans une tombe de béton. Parce que il va falloir retirer ce carburant des cœurs nucléaires qui est entré en fusion ou partiellement en fusion. Donc, méchant travail déjà là à les récupérer ça. Imaginez les taux de radiation écœurément élevés. Seulement des robots incapables d'accéder à ces cœurs-là. Il va falloir récupérer ça, mettre ça sous contrôle, enfermer ça quelque part, et puis après ça, couler ça dans le béton. Parce que là, c'est trop chaud en ce moment. Là, ces trucs-là, là, ça fusionne à 2-3 000 degrés Celsius. Okay? Donc là, c'est même trop chaud pour être couvert de béton. L'horaire là, de travail pour réellement, là, si vous voulez, là, contrôler la solution complète, retirer le combustible qui se trouve dans les 4 réacteurs et dans les piscines d'entreposage, couvrir ça de façon définitive. Le gouvernement japonais, puis TEPCO, parle d'un horizon de 10 ans. De 10 ans. Alors, ça va prendre au moins 10 ans avant que toute cette affaire-là se résume, là, vraiment se place là, de façon, si on veut, entre parenthèses, définitive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, vous avez le gouvernement japonais qui a admis que ça prendrait, bon, des décennies, que ça va requérir des décennies de travail pour nettoyer ça, puis vraiment là, tout remettre ça en ordre, puis encore là, de remettre ça en ordre, je veux dire, ça va rester des plaies radioactives là, pour les temps immémoriaux, quoi. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe là-bas. Vous avez plusieurs articles, allez voir. Ça va coûter combien? Ben écoutez, ça va coûter énormément cher. L'affaire de Fukushima, là. En fait, on a des précédents qui nous permettent de juger un peu combien ça va coûter. Vous avez le Vermont Yankee Nuclear Power Plant. Alors, ça, c'est la centrale nucléaire au Vermont, aux États-Unis, qui a été décommissionnée. C'était une étude, ça, qui a été citée, qui a des coûts estimés pour décommissionner cette centrale nucléaire, qui sont des réacteurs à eau bouillante, similaires à ce qu'il y a à Fukushima. Mais qui ont beaucoup moins de problèmes, évidemment. Ils ne sont pas entrés en fusion et ne sont pas démolis. En fait, a coûté jusqu'à 950 millions de dollars l'année dernière aux États-Unis et va probablement excéder le milliard de dollars la prochaine année. Alors, on peut s'attendre évidemment à ce que Fukushima va coûter plusieurs fois ce montant de dollars. Ça va coûter des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars. Et la facture va être largement passée au public. Alors, c'est les Japonais qui vont payer pour ça. En grande, grande, grande partie. Vous avez le gouvernement puis TEPCO qui ont dénié ça. Bah, bah, bah, mais écoutez, c'est déjà même dans les lois, puis toute la mag. Il y a un certain maximum. C'est un peu comme BP qui s'est passé. Il y a des plafonds et des maximums que la compagnie peut être poursuivie, puis obligé de dédommager. Et puis le reste, c'est le gouvernement qui prend ça à charge. Ben, qui est le gouvernement? C'est le peuple. Je veux dire, qui va payer ça? C'est les Japonais. Et puis, on parle de des milliards de dollars. Des milliards de dollars pour des Japonais qui s'étaient déjà prononcés contre ces réacteurs il y a quoi, 1 ou 2 décennies, et que le gouvernement japonais avait refusé d'écouter, et puis avait tout simplement avait décidé d'aller de l'avant. Sous pression, sous les bonus, puis les pots de vin, j'imagine, du lobby d'énergie nucléaire et des pressions du secteur militaire. Et puis, on n'avait pas écouté le peuple, et puis on est parti en peur avec ces centrales-là. Puis, au Japon, on en a quoi? Je pense il y a une affaire comme 40 ou 50 centrales nucléaires. Dans le monde, il y en a environ 600. OK? Donc, réellement, le nucléaire, c'est loin d'être sécuritaire. C'est sécuritaire jusqu'à la fin de l'après-midi. C'est sécuritaire pas plus tard que demain matin, parce qu'on n'est pas capable de prévoir ce qui va se passer après là. C'est sécuritaire tant que ça n'arrive pas. Tu sais? C'est ça l'affaire. Puis non seulement c'est sécuritaire à ce point-là, mais aussi c'est loin d'être abordable comme technologie. Hein? C'est loin d'être abordable. Je veux dire, ça coûte des millions de dollars. Juste la réfection de gentil 2, là, on dit, oh, ça va coûter 500 millions. Après ça, ça va coûter 1 milliard. Après ça, whoop, ça va coûter, whoop, non, on est rendu à 2 milliards. Finalement, ça double ça à toutes les années. Hein? Ça double les années. C'est des chiffres astronomiques. Et puis, quand il arrive des incidents comme à Three Miles Island ou ben non, à d'autres places, là, Fukushima, à Tchernobyl, eh bien là, attention, là, on parle de dizaines de milliards de dollars. Okay. Donc, est-ce que c'est une énergie propre? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une énergie sécuritaire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une énergie peu dispendieuse? Ben, je ne pense pas. Donc, réellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, là. Hein? On ne sait pas trop ce qu'on fait. Vous avez des taux de radiation 4 fois ceux de Tchernobyl qui ont été mesurés à l'extérieur de la zone d'évacuation autour de Fukushima, qui a d'ailleurs été augmentée par le gouvernement japonais récemment parce que justement, on avait mesuré des taux de radiation puis des éléments radioactifs à l'extérieur de la zone d'évacuation. On parle ici des taux de radiation 400 fois la normale qui sont expectés, qui sont attendus dans certaines communautés dans la zone passée, la zone d'évacuation de 30 km. Aussi, vous avez des scientifiques qui ont noté que ce que le gouvernement mesure, les radiations, les niveaux de radiation que le gouvernement japonais mesure, n'incluent seulement que deux types d'isotopes radioactifs. Alors que vous avez des scientifiques d'université qui, eux autres, avaient détecté plus de six isotopes radioactifs et avaient aussi donné ces nouvelles estimations et ces nouveaux chiffres au gouvernement japonais. Et puis, le gouvernement japonais avait promis à ce moment-là, bon, d'étudier ces données-là et puis de potentiellement étendre la zone d'évacuation au-delà de ce qui avait déjà été appelé. Donc, vous voyez un peu aussi, je dis l'hypocrisie incroyable, au lieu de mesurer toutes les isotopes radioactifs qui sont présents autour, on en mesure que deux. Je veux dire, les autres, ils mesurent même pas. Ils mesurent même pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, comment veux-tu protéger la population? C'est incroyable. Vous avez une étude ici qui a trouvé du césium-137 avec des niveaux entre 590 000 et 2,19 millions de becquerels par mètre cubique. Alors, on dit qu'après Tchernobyl, l'accident de Tchernobyl, en 1986, les résidents qui habitaient dans les régions, c'est qu'il y avait des niveaux de césium-137 qui dépassait 555 000 becquerels, avait été forcé d'être déplacé, d'évacuer la zone. Alors que là, on en retrouve dans des zones à l'extérieur du rayon d'évacuation de Fukushima, qui sont au moins aussi élevées que les Tchernobyl, à 4 fois plus élevées. Et puis ces gens-là sont encore dans leur maison, on leur dit de rester à l'intérieur puis de nettoyer les légumes. Hey, nettoyer les légumes! C'est bon, maudit ça comme truc, là. Nettoie tes légumes, champion, puis là, tu vas éviter la radioactivité. Donc, ça s'est trouvé dans plusieurs endroits au Japon où on aurait trouvé des taux de radioactivité qui sont assez inquiétants. Vous avez une étude ici qui a trouvé que même après 3 mois, on trouverait entre 7 et 21 microsieverts par heure qui pourraient être émis des différentes sources de contamination dans le sol et dans l'air. Alors, si un individu demeurait à l'extérieur pour cette période entière de 3 mois, la personne serait exposée entre 30 et 90 millisieverts par heure sur cette période. Et 30 à 95 millisieverts, c'est trop. C'est déjà beaucoup trop que ce qui est prescrit. Donc, c'est au-dessus, vous savez, je pense là, les employés dans le nucléaire en France sont limités à 20 millisieverts. Ensuite, ben là, c'est ça, vous avez cet article-ci très important du New York Times qui parle de ces matériaux radioactifs qui sont extrêmement radioactifs, en fait, qui continuent de s'échapper du réacteur numéro 2. Donc, là, vous avez un article là, qui parle de ça en détail avec des schémas de tout ça. Donc, ça continue là, de s'échapper de ce réacteur-là. La police a déclaré qu'on est rendu quoi, là, pas loin de 13 000 personnes qui sont décédées du tremblement de terre du 11 mars et du tsunami. Vous avez pas loin de 15 000 personnes qui sont encore manquantes. Alors, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, vous avez encore les personnes, les victimes de ce massif tremblement de terre et de ce tsunami qui continue d'en souffrir énormément. Il n'y a pas juste Fukushima qui se passe. Donc, ça aussi, ça vaut la peine d'être rappelé. Vous avez d'autres ici, d'autres lectures des radiations dans les réacteurs numéro 1 et numéro 3 la semaine dernière qui étaient aussi haut, même plus haut que 3 300 rem par heure. Donc, vous voyez que les questions de haute radioactivité de Fukushima ne sont loin d'être résolues. Il y a aussi, comme je vous disais, les piscines d'entreposage des matériaux usés. Alors, vous avez un article ici avec différentes sources pour regarder ça, ou si vous pouvez avoir le statut de ces bâtiments, de ces réacteurs-là au jour le jour. Donc, vous avez plusieurs chartes et puis des sites officiels, comme même l'Agence de l'énergie atomique international. Donc, vous avez différentes places comme ça. Vous pouvez aller voir, vous avez la Nuclear Regulatory Commission, Reactor Safety Team, alors que ça. Donc, vous avez aussi le New York Times qui met à jour des informations sur ça. Donc, vous avez quand même des bonnes sources, là, sauf qu'il faut compléter avec d'autres aussi pour vraiment avoir un peu un portrait de ce qui se passe. C'est dur d'avoir toute l'information et d'avoir tous les détails. Il y a beaucoup de contrôle d'information dans ce domaine-là. Vous avez différents médias japonais qui ont confirmé que les enceintes de confinement sous pression avaient des fuites, étaient probablement fissurées. Donc, vous allez trouver plusieurs nouvelles à cet effet-là. Ici au Canada, écoutez, bon, on va faire un petit point ici au Canada. Vancouver, des tests de radiation ont montré de l'iode 131 dans l'eau de pluie, environ 100 fois les limites des limites de l'eau potable aux États-Unis. Alors, ça aussi, là, vous voyez que ça atteint tout le Canada. Vous avez des officiels locaux qui ont conseillé le résident de ne pas boire l'eau de pluie après que des tests ont trouvé de la radioactivité qui augmente. Donc, ça aussi, le gouvernement continue de dire qu'il n'y a aucun problème, c'est beau, il n'y a pas de trouble avec ça. Vous avez, par exemple, des gens dans l'Assemblée législative qui se sont opposés un peu à ça, qui ont déclaré douter un peu là, de la politique justement du Canada, qui avait, lui, des inquiétudes par rapport à ce que le gouvernement déclarait à propos des niveaux de radiation et puis que justement, il n'y avait pas assez de tests qui étaient faits. Lui, il conseille à ces gens d'être prudents avec justement l'eau potable et puis différents produits comme les produits laitiers et les fruits de mer. Donc, ça aussi, c'est à voir. Et puis, comme si ce n'était pas assez, eh bien, chers amis, vous avez ces tremblements de terre qui se poursuivent, comme je vous disais un peu plus tôt, qui continuent de brasser Fukushima. Vous avez des ingénieurs qui ont noté des nouvelles fuites qui semblent s'être ouvertes depuis justement les tremblements de terre des derniers jours, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, des tremblements de terre, il y en a beaucoup, beaucoup là au Japon depuis ce massif tremblement de terre de 9,0 le 11 mars dernier. Et depuis le 11 mars, les dernières nouvelles, c'est qu'on avait 1016 tremblements de terre qui s'étaient produits au Japon depuis le 11 mars. 1016 tremblements de terre. Donc, je vous ai même laissé un message, un lien de cet article-là aussi. Vous allez trouver le positionnement de ces tremblements de terre avec leur magnitude. Très intéressant à voir. 75 tremblements de terre ces 7 derniers jours. Et puis, ce n'est pas qu'à Fukushima que ça cause des problèmes. Vous avez deux autres centrales nucléaires, au moins deux autres centrales nucléaires qui semblent avoir des pertes d'eau radioactive. On en rapporte ici et là dans les médias. Ça a été confirmé par certains journalistes, certaines stations de nouvelles. Et vous en avez un, par exemple, à Tokai. J'espère que je le prononce bien, là, évidemment des villes japonaises, Tokai. Tokai. Alors, vous avez ici des lectures de radiation très élevées qui ont été mesurées. Quand je dis très élevées, là, dans les alentours de Tokai. Et ça, c'est pas très loin, là, de Fukushima, dans la région de Ibaraki. Alors, vous voyez là que on est loin de sortir du bois. Et puis, ce n'est pas juste à Fukushima qu'il faut porter le regard, c'est qu'il y a d'autres centrales nucléaires qui semblent connaître des problèmes aussi. Évidemment que ces centrales nucléaires-là ne sont pas bâties pour résister à 75 tremblements de terre dans une semaine. Surtout pas non plus des tremblements de terre qui sont au-dessus de 6 et 7 sur l'échelle de Richter. Et puis, ça, on en a régulièrement depuis le 11 mars. Alors là, on s'est retrouvé avec des fuites d'eau contaminées. Vous avez un plan aussi, une genre de centrale Tokai où on manufacture du carburant. Alors en fait, on fait du yellow cake là-bas. Et puis ben là, on se retrouve avec des genres d'éléments qui appartiennent à ce type d'industrie-là. Donc, on se demande justement s'il n'y a pas des fuites qui se passent, parce que vous savez, ces genres de centrales-là, vous avez des réseaux incroyables là, de tuyauteries et puis de trucs du genre. Et puis, évidemment, que quand ça brasse comme ça, des séismes à tout bout de champ, eh bien, c'est bien évident qu'à un moment donné, là, ça finit par créer hein, des petits espaces dans la tuyauterie, hein, c'est que ça finit par faire des fuites. Et puis là, ben, on se retrouve avec des éléments qui, par exemple, l'uranium-235, l'uranium-238, qui se retrouve aux alentours du plan. Donc là, on est en train de se demander si on n'a pas justement des problèmes avec ces autres centrales nucléaires. OK? Donc, ça aussi, allez voir ça. Suite au tremblement de terre, on a un feu qui s'est déclaré dans la piscine de combustible du réacteur numéro 4. Alors, on a une photo avec des flammes et puis de la fumée noire qui s'échappe de cette piscine-là. Bon, ce qui est évidemment un très, très mauvais signe. Parce que là, ça veut dire que soit qu'on manque d'eau, ben non, peu importe, le combustible est en train de s'échauffer. Et si le niveau d'eau ne réussit pas à être maintenu pour refroidir ce combustible utilisé, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on risque d'assister à une autre fusion dans cette piscine-là, puis là, de voir tous ces matériaux-là se mélanger et de partir une chaîne en réaction, une navire, c'est-à-dire des réactions en chaîne non contrôlées par elles-mêmes dans la piscine sans qu'on n'y fasse rien et que tout ce truc-là s'échappe directement dans l'atmosphère. Alors, vous avez plusieurs nouvelles là, qui parlent de la température qui augmente dans cette piscine-là. Vous avez TEPCO qui a envoyé plus de 195 tonnes d'eau en 6 heures, juste mercredi matin, okay, pour essayer de refroidir l'eau qui est là-dedans. La température qui a augmenté à 90 degrés Celsius, qui est beaucoup plus élevée que les 25 degrés normalement requis. On dit qu'en fait, les normaux niveaux sont bien en deçà de 40 degrés normalement. Là, on est rendu à 90, donc au moins le double, c'est pas le triple. On dit que la compagnie, ça c'est assez particulier aussi dans l'article, on dit que la compagnie pense que le niveau de l'eau était à peu près à 5 mètres plus bas que la normale. Et puis, qui est là, ils étaient peut-être seulement qu'à 2 mètres au-dessus de ces crayons de combustible, que TEPCO croit que le niveau de l'eau va probablement augmenter d'un mètre parce que là, on en a ajouté mercredi dernier, que la compagnie croit que la température a augmenté parce que on a eu une perte du système de refroidissement du réacteur alors que les tremblements de terre ont sévi puis qu'on a eu une perte d'électricité. Alors, vous voyez un peu le genre de vocabulaire qu'on utilise, on croit, on pense. Alors, quand la compagnie dit qu'elle pense et qu'elle croit que le niveau de l'eau est à peu près à 2 mètres au-dessus des crayons de combustible, c'est qu'ils ne le savent pas réellement. Hein? Soyons honnêtes, là. Ils ne savent pas réellement ce qui se passe là-dedans. On a dit, TEPCO a mesuré, a dit avoir mesuré des niveaux de radiation à 84 millisieverts par heure qui a été détecté au-dessus de la surface de l'eau. On dit que normalement, la radiation est très rarement détectée là. Donc, c'est vraiment pas un bon signe. Vous savez, TEPCO qui a envoyé plus de 1 800 tonnes d'eau dans le réacteur numéro 4. En utilisant les camions de pompiers puis les véhicules spéciaux qu'on a apportés là, depuis le 11 mars. Alors, imaginez les quantités d'eau incroyables, 1 800 tonnes. Et puis après ça, ces réacteurs-là sont fissurés. L'eau passe à travers du réacteur puis du matériel qui est en fusion dans le fond. Et puis, zap, se contamine à l'os. Après ça passe par les fissures, ça se ramasse en dessous dans les tunnels de Fukushima. Et là, vous allez trouver des articles aussi qui font état que justement, on retrouve malgré tout qu'on a colmaté la fameuse fuite du réacteur numéro 2 qui fuyait, dont je parlais un peu plus tôt. On retrouve quand même d'autres fuites, en tout cas des indices qu'il y a des fuites dans l'océan ambiant parce qu'on a des taux de radioactivité importants dans l'océan et aussi dans le sol. Alors, vous avez d'autres personnes là, dans différents médias, des experts, des ingénieurs qui font état que on commence à s'inquiéter justement que des matières radioactives, hautement radioactives, soient carrément le combustible des réacteurs ou de l'eau hautement combustible pour y avoir été en contact. Ça commence à se retrouver dans les nappes phréatiques, dans le sol sous Fukushima. Donc, on n'en parle pas dans les médias de masse, mais comme vous voyez, la situation est loin d'être rose, est loin d'être sous contrôle, puis est loin d'être stabilisée. Température qui a augmenté à 200% des niveaux normaux dans le réacteur numéro 4, alors qu'on essaye de contrôler justement le niveau de l'eau là-dedans. Donc, une autre nouvelle qui parle de ça, TEPCO qui a confirmé la fusion dans le réacteur numéro 4. Alors, on a 204 crayons de combustible qui ont été qui sont ne sont pas utilisés, qui sont à risque. Alors, TEPCO qui confirme un dommage en partie de l'unité numéro 4 du matériel nucléaire déjà utilisé. Alors, ça aussi, voyez là qu'on commence de plus en plus là, à confirmer qu'effectivement, très haut niveau de radioactivité qu'on détecte dans l'air et dans le sol et dans l'eau, d'iode 131, de césium 134, césium 137, ainsi que toutes les autres, proviennent évidemment d'une fusion partielle ou totale de plusieurs des réacteurs, en tout cas numéro 1, numéro 2, numéro 3, et de la piscine d'entreposage du numéro 4. C'est certain qu'on a des réactions nucléaires qui sont en train de se passer, de la fusion qui se passe là-dedans. Je vous passerai pas tous les niveaux, là, 30%, 6%, combien de fois de plus, là, je veux dire, c'est des guerres de chiffres, puis on ne sait même pas combien que c'est, là, réellement, là, c'est des chiffres qu'ils nous donnent. Ce qu'on sait, c'est que vous avez des chiffres très importants de radioactivité. Vous avez le gouvernement, la Nuclear Industrial Safety Agency du gouvernement japonais qui ont confirmé que des matériaux radioactifs étaient 100 000 fois plus élevés que la normale. Alors, vous avez proche là, du bâtiment numéro 4. Donc voilà, donc c'est comme ça, là. C'est pas mal la situation. On se retrouve avec des bâtiments qui sont fortement endommagés, dont la structure risque de s'écrouler davantage avec les tremblements de terre qui continuent de sévir. On se retrouve avec des possibilités d'avoir des larges débris qui tombent directement dans les réacteurs, continuent d'endommager aussi les crans de combustible utilisés dans les piscines qui sont carrément à ciel ouvert. On a déjà parlé d'ailleurs de devoir renforcer ces structures-là. Parce qu'on inonde les cœurs pour les maintenir froids, les cœurs des réacteurs nucléaires, eh bien, les enceintes de confinement se retrouvent gorgées d'eau, pleines d'eau. Et ça fait augmenter énormément leur poids. Et puis, ces trucs-là n'ont pas été, évidemment, designés pour soutenir de tels poids. Et lorsqu'on a des tremblements de terre massifs qui se produisent, eh bien là, vous imaginez ce qui arrive. Le truc n'est pas capable de supporter de la masse. Et puis, on risque d'assister à des aggravations très importantes là, dans tous ces réacteurs-là. Donc c'est pas mal ça pour la situation. Là, il y en aurait énormément encore à dire, mais comme je vous dis, là, à un moment donné, il y en a tellement là, que ça devient là, du surchargement là, de citer tous les chiffres à gauche et à droite. Sauf que, écoutez, là, ce qui est à retenir, là, c'est que cet accident-là a déjà relâché de l'ordre de 50 000 trillions. C'est tout un chiffre, ça, là. 50 000 trillions de becquerels de radiation. Ça veut dire que c'est au moins au moitié, là, à la moitié du niveau 7 là, de ce qu'avait relâché Tchernobyl. Et puis, la situation, comme je vous dis, est loin d'être stable. On en a pour au moins encore de 3 mois à 10 mois. Donc, on va dépasser Tchernobyl de loin. OK? De loin. Puis ça, c'est si même la situation reste stable telle qu'elle est aujourd'hui, puis qu'elle ne s'aggrave pas. OK? Parce que là, on dit juste pour la stabiliser telle qu'elle est en ce moment, ça va prendre 3 mois. Sans calculer que ça pourrait aller pire, là, on dit si on réussit à maintenir ça dans l'état de gravité actuel, donc faites le calcul. Faites le calcul. Donc comme je vous dis, là, allez voir ça. Vous avez vraiment là, beaucoup d'articles à aller voir qui font état de ces trois réacteurs-là. Et puis du fait qu'ils sont déjà en fusion, que même leur enceinte de confinement est déjà probablement entamée, brisée, c'est-à-dire que le truc commence à s'échapper dans le fond, sur le béton de ces centrales-là, et il va faire son chemin tranquillement vers le sol, vers les nappes phréatiques et l'océan. Il va contaminer évidemment là, le terrain pour des temps très très longs. Donc, du plutonium qui a été détecté, du strontium. Et puis, ça, c'est des trucs, là, justement, qui témoignent d'une fission, une fission nucléaire. Voilà. Donc, c'est vraiment à voir, là. Je vais tout vous poster ça. Ça va vous mettre bien en tête, là, ce qui se passe. Ne paniquez pas, par exemple, tout va bien aller. Il n'y a aucun santé pour la santé humaine, de la sécurité humaine. Aucun danger, absolument à rien, là. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, ne vous en faites pas. Recontinuez. Oubliez tout ça. Continuez à écouter la TV, là. Puis, dire, écoutez, là, vos officiels qui vous disent qu'il n'y a aucun danger. Vous avez des bonnes sources ici, des experts là-dedans qui ont travaillé au plus haut niveau, là, au niveau nucléaire aux États-Unis. Qui s'appelle Arnie Gerson, une affaire comme ça, en tout cas. Vous avez plusieurs. Personne, des autorités là, au niveau là, nucléaire, des indépendants en tout cas, du moins qui sont plus fiables, qui disent que justement le nombre de cancers en excès causés par Fukushima va tourner autour là, de 200 à 400 000 personnes. Donc, on prévoit là, que on appelle ça des cas de cancer en excès. Ça veut dire ça va créer des cancers. Donc, on estime là, que ça va causer entre 200 et 400 000 cancers de plus juste dans la région de Fukushima et les pays avoisinants. Donc, voyez là quand même là, que ça, c'est pas des répercussions là, sans conséquence. Là, arrêtez de croire les gens qui vous disent qu'il n'y a aucun danger, c'est tout le temps des doses trop faibles puis qu'il n'y a aucun danger, là, il n'y a pas de raison de s'en faire. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour nous. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Et puis on va revenir un peu là sur évidemment le Japon. On va aussi faire un bon tour là du Moyen-Orient puis de l'Afrique du Nord la semaine prochaine. Là, je vais pas mal concentrer là l'information sur cette zone-là avant de vous quitter. Et puis, on verra ce qu'on a le temps de parler, là. Je voulais vous parler du refroidissement climatique, là, mais il y a des sujets encore plus importants que ça, là. C'est pour ça que je le saute tout le temps. Mais on verra ce qu'on a le temps de faire. Donc voilà, moi, en attendant qu'on se retrouve, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous salue bien bas. Et puis, ben, faites attention à vous autres. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Ciao!